Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'interludique sur les ondes de CJMDFM 96.9 Lévis. Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Mickaël Michaud, votre animateur, toujours content d'être là pour vous parler jeux et geekitude. Et ce soir, on va parler d'autres choses aussi. On va parler de boissons parce que on va faire un rattrapage. On est dû, mesdames et messieurs, parce qu'on a monsieur Éric la jeunesse avec nous. Et voilà. Salut Éric, ça va bien? Toi, ça va-tu? Ça va très bien. Ah, ça va ouais, très j'ai bien. J'ai pas l'air d'en pas en tout depuis tantôt. Non, pas en tout. Et là, Éric, après 2 mois d'absence, te revoilà. Petit. Ouais. Des trucs. Là, on est occupé dans nos vies, malheureusement. Ah, malheureusement, t'avais pas pu être là les 2 derniers mois. Mais là, on est là ensemble avec monsieur Andrew Castegan. Je tenais juste à dire, Éric, tu m'as manqué. Ben, il a manqué à pas mal de monde. Puis là, je te regarde en arrière de mon écran si on a la bière sous la main. Mais on va goûter 2 bières ce soir, monsieur la jeunesse. Et quelles seront-elles? La propolis des brasseurs Dunham. Oui. Et une brune des brasseurs Saint-Arnoux, dont j'ai oublié le nom. Là. L'ange cornu. Voilà. Et voilà. Ah, maudit. Une chance que tu me l'as montré tantôt. Une petite blonde au miel puis une grosse brune mâle. Oui, j'ai hâte de goûter aux deux, en fait. Mais ça fait longtemps que j'ai pas goûté une bonne grosse brune mâle. C'est comme une femme bien en chair avec une moustache. Exact. En plein ça. Parfait. Puis des favoris. Qui saoule bien. et voilà. Et, mesdames et messieurs, en plus d'Éric, avant toute chose, tantôt, on va avoir M. Diego Lamana, avec qui j'ai parlé hier. On va parler d'un sujet vraiment intéressant. On va parler de la Première Guerre mondiale, parce que cette année, on vous le rappelle, c'est pas mal toute la planète commémore le 100e anniversaire de ce conflit-là. Et là, Diego, habituellement, nous parle de plein de sujets, justement, pour sa chronique académique. Mais là, il va nous parler vraiment critique d'un jeu qui s'appelle Verdun. Donc, qui prend son contexte dans la Première Guerre mondiale. Vraiment, vraiment intéressant comme jeu, vous allez le voir. Et aussi, on va parler de Comic-Con Québec. Et oui, j'étais présent lors de la conférence de presse aujourd'hui qui avait lieu à Québec, à Laurier, au magasin L'Imaginaire. Et on a appris quelques nouveaux invités qui vont être présents et aussi d'autres nouvelles par rapport à cet événement-là. On va en parler un peu plus tard dans l'émission également. Mais avant toute chose, mesdames et messieurs, on vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com, où vous pouvez écouter toutes nos anciennes émissions, les podcasts et autres. D'ailleurs, on l'a inscrit sur la page Facebook de l'émission, mais là, on a un problème présentement avec l'endroit où on met les émissions. On les héberge. Vous êtes capable d'écouter les émissions, les anciennes émissions en mode streaming sur le site de l'émission, mais vous ne pourrez pas les télécharger, malheureusement. Donc, on a un problème, là. C'est pas mal hors de notre contrôle. On va essayer de trouver une solution pour régler ça. Mais en attendant, vous pouvez toujours l'écouter en streaming. C'est pas un problème. Donc, au www.puissancemaximale.com. Et sinon, bien évidemment, si vous voulez avoir ces nouvelles-là, si vous voulez être au courant de ce qui se passe avec l'émission et tout, bien, allez sur Facebook, tapez Puissance Maximale Maximale à la barre de recherche, vous allez nous trouver très facilement. Et comme ça, vous allez pouvoir être au courant de toutes les nouveautés, les sujets de la semaine, les articles qu'on poste pendant la semaine aussi, et également participer aux différents concours de puissance maximale. On en a deux présentement en cours avec la gang de La Revanche à Québec, qui est nos amis avec le pub, le meilleur pub ludique en ville. Et d'ailleurs, on est allé la semaine passée, moi et Andrew, on s'est fortement amusé. On a joué génial. On a joué à plusieurs jeux ensemble, c'était très le fun. Pris un bon cidre. On a parlé avec Danny aussi, notre ami qui est un des copropriétaires avec qui on a jasé aussi de tous les événements qui se passaient là-bas. Et avec La Revanche, c'est ça, on fait tirer des billets. Et aussi avec notre ami Ping Vivi, Véronique, qui fait des goodies artisanes de sa profession, qui nous offre à chaque semaine un petit concours. Donc vous inscrivez, vous devenez fan de Puissance Maximale sur Facebook. D'ailleurs, ça monte très vite, M. Castagan. On est à 19 personnes d'atteindre le 500 likes. On est content. Crème, j'ai perdu le fil de ça, moi. Ça va vite. Il y a deux semaines, il nous en manquait 45. C'est cool, c'est cool. Ouais, ça va très vite. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour le 500e? On fait ça un film dans un univers fantastique, puis on appelle ça Félidos? Non, ça, c'est nos amis des accros des jeux qui font ça pour leurs 5 ans d'existence. Ah, OK. Monsieur Castagan. Ah, je fais mes plugs, hein? pas subtil, pas en tout. Mais non, effectivement. Et c'est juste nous rappeler où est-ce que ça va être la... Je vais te dire ça. La projection, parce que c'est un film qui... C'est à Montréal. OK. C'est à Montréal. C'est. J'ai ça ici. Ah, au Brewpub Brouhaha. Brouhaha, ouais. D'accord, à Montréal, au 5860 avenue de Lorimier, le 4 octobre prochain. Contactez les gens des accros des jeux pour avoir des billets. Donc, si vous voulez être Il y a Tester Alpha là-dedans, Jog qui est venu ici. Une belle gang qu'on aime beaucoup à l'émission. Donc, si ça vous tente d'aller les voir, ben rendez-vous à Montréal pour voir ce film-là fait avec les membres de l'équipe des accros des jeux. Et voilà, M. Castagan, donc comme je disais, inscrivez-vous, likez la page de Puissance Maximale pour avoir toutes les belles nouvelles et les concours également. Et avant de commencer l'émission proprement dite, on va commencer avec une chanson, en fait, une demande que M. Castagan m'avait fait il y a, je pense, 3 semaines, avec la nouvelle arrivée du nouvel album de Weird Al Yankovic. On avait mis une chanson qui était « Il fait ça, c'est pas la première fois », qui fait un mix de parodie de tune polka. Mais non, là, mais c'est... j'ai-tu vu une news quelque part à TV? Il a été certifié platine pour la première fois, en plus. Il a été premier au Billboard. Premier au Billboard, ouais, c'est ça? Exactement. C'est une première dans sa longue carrière. Oui, puis dans ce genre-là, c'est assez rare aussi. Mm. Fait que bravo à Weird Al, parce que son album est très bon. Son succès a été décortiqué par principe qui disait qu'il a été très, très, très présent sur les internets. Il a fait beaucoup d'apparitions publiques sur des chaînes de YouTube. Et à la télévision, donc il s'est pas concentré uniquement sur un média, mais il s'est propagé. Ben, il est rendu 2.0 lui aussi, hein, visiblement. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait d'album. Ben, en fait, c'est Epic Rap Battle of History qui l'a inspiré à faire un retour. Ouais, ben, ça jouait justement, c'est des enfants illégitimes, on va dire, de Weird Al Yankovic. Oh, exact. Oh, ouais. Parce que c'est un maître de la parodie chanson. Donc, ben là, c'est ça, Andrew, on avait entendu sa dernière polka, mais là, on avait parlé qu'il en avait sorti une dans le temps, qui s'appelle Angry White Boy Polka, que j'ai ressorti des boulamites et on a décidé de vous passer ça à l'émission. Donc, on vous envoie ça, une chanson de Weird Al Yankovic. Et tout de suite après, ça sera M. Diego Lamana. Donc, Weird Al Yankovic avec sa chanson Angry White Boy Polka dans vos oreilles, à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 Lévis. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give up if I cut my arm bleeding. This is my last resort. 'Cause I'm losing my sight, losing my mind. Wish somebody would tell me I'm fine. Losing my sight, losing my mind. Wish somebody would tell me I'm fine. Nothing's alright. Nothing is fine. I'm running and I'm crying. Wake up, wake up. Grab a brush and put a little makeup. Discard the fade away, the shake up. Why'd you leave your teeth upon the table? Here you go, create another fable. You wanted to. Grab a brush and put a little makeup. You wanted to. I discard the fade away, the shake up. You wanted to. Why'd you leave your keys upon the table? You wanted to. I don't think you trusted my. So- here, come here. Drive you around the corner. Come here, come here, come here. Yeah, now you really gotta come here, come here, come here. Move out to California, do what I want, 'cause I can if I don't, because I wanna be ignored by the stiff and the bored, because I'm gonna hate to say I told you so. But it bears repeating now. Last night she said, "Oh baby, don't you feel so down? Feel so down when you turn me on? Turn me on when I feel left out." So I, what'd you do? Well, I turned around. Right around. Oh baby, gonna be alright. Be alright. It was a great big lie. Big ol' lie. 'Cause I left that night. Yeah. Hate and let it flow into me. Get up, come on, get down with the sickness. You mother, get up, come on, get down with the sickness. Get up, come on, get down with the sickness. Madness is the gift that has been given to me. We are the youth of the nation. We are the youth of the nation. We are the youth of the nation. We are the youth of the nation. Hey! I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. 'Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please, please, please stand up? Slim Shady, won't you please stand up? Stand up, Shady. Stand up, Shady. Stand up, Shady. Shady, won't you please stand up? Hey! Puissance Maximale vous présente la chronique académique. Et oui, de retour à Puissance Maximale, mesdames et messieurs, et il est temps de parler avec M. Diego Lamana pour sa chronique académique. Salut Diego, ça va bien? Salut Mickaël, super bien, merci. Excellent, excellent. Et là, on va parler d'un sujet, ma foi, moins habituel avec toi, Diego. On va parler un peu d'histoire. Ben en fait, c'est pas vrai. On parle souvent d'histoire ensemble, mais là, on va parler d'histoire guerrière, en fait, parce que cette année, c'est la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale. Et là, toi, t'as décidé de nous parler directement d'un jeu et aussi de ce qui se trame autour, justement, des jeux vidéo et de la Première Guerre mondiale. Là, tu vas parler d'un jeu, entre autres, qui s'appelle Verdun. Oui, je vais vous parler de Verdun, qui est un nouveau jeu qui est sorti en septembre dernier, mais il est encore en bêta test. Mais on peut l'acheter en avance et pouvoir jouer au bêta. Okay. C'est un jeu de deux studios indépendants, M2H et Black Mill Games, okay. Ils ont fait des petits tests, là, des petits jeux qui ont le look indépendant. Là, c'est vraiment une tentative de jeu 2A. Assez intéressante pour deux studios indépendants. C'est un jeu de tir à la première personne, seulement multiplayer online. Ah, ok, puis là, on peut se procurer ça, je crois, sur Steam. Oui, le distributeur, c'est Steam, comme la plupart des jeux actuellement. Excellent. Et là, évidemment, quand on parle de Verdun, on fait référence à cet événement, justement, qui a marqué la Première Guerre mondiale. On est en FPS. Est-ce que tu as fait un FPS, donc un first-person shooter très classique? C'est classique il y a une partie du gameplay qui est assez classique, donc jeu de tir, multiplayer, donc en ligne sur une map, on prend un point, on essaie de le défendre, donc c'est ça. C'est vraiment un jeu qui est intéressant pour la forme. C'est une simulation historique qui tente de reproduire la Première Guerre mondiale. Ok. Moi, j'ai découvert ce jeu-là en me posant des questions. C'était l'anniversaire de la Première Guerre mondiale, donc le déclenchement s'est fait il y a 100 ans, presque exactement. Et je me suis demandé s'il y avait des bons jeux sur la Première Guerre mondiale. Là, j'ai constaté, je suis tombé sur des articles qui abordaient ce sujet-là, justement, comme quoi qu'il y avait pas beaucoup de jeux sur la Première Guerre mondiale. En fait, il y en répertorié environ une soixantaine, comparé à plus de 300 pour la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Donc, puis les jeux de la Première Guerre mondiale qu'on a généralement, c'est des jeux de stratégie. Ou les fameux jeux d'avion. OK, oui, oui. Avec Red Baron et toute la suite de Red Baron. Donc, il y a un article sur la plateforme Kotaku qui était fort intéressant, qui expliquait un peu pourquoi c'est un peu difficile de faire un jeu sur la Première Guerre mondiale. D'abord, le type de guerre que c'est. C'est pas une guerre héroïque comme la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce qu'on peut appeler une guerre sale. C'était la guerre totale. Donc, pendant 4 ans, ils se sont battus sur le même bout de terrain, environ. Oui. Entre la France et l'Allemagne. Donc, ça s'est battu partout à travers le monde, mais il n'y a pas eu d'avancée, il n'y a pas eu de conquête. C'était vraiment une guerre de tranchées dures, sales, et les soldats pourrissaient dans les tranchées pendant 4 ans. Donc, c'est un peu, ça donne pas un gameplay fort intéressant pour un Battlefield ou un Call of Duty. C'est ça, c'est des rythmes, disons que c'est une ambiance, un contexte qui est moins amené à nous amener des rythmes effrénés, comme justement on est habitué dans les différents Call of Duty de la Deuxième Guerre mondiale. Absolument. Et un autre, si on compare aussi avec la Deuxième Guerre mondiale, ou les guerres récentes que les Call of Duty utilisent comme trame narrative, c'est l'absence justement d'une trame narrative claire dans la Première Guerre mondiale. Elle s'est déclenchée parce qu'un archiduc d'Autriche-Hongrie s'est fait tirer par un Serbe, et ça finit par 4 ans de guerre meurtrière entre la France et l'Angleterre. La France et l'Allemagne, pardon. Oui, oui. Et l'Angleterre s'en est mêlée, les États-Unis s'en est mêlée, jusqu'au Mexique, ça s'est battu partout à travers le monde à cause du système d'alliances et de colonies. Donc, on connaît la raison du déclenchement, mais en fait, pourquoi ça a pris autant d'ampleur, c'est ça, on parle d'alliances, mais sinon, c'est pas comme, justement, les nazis qui décident de vouloir prendre, de conquérir l'Europe, puis après ça, on sait ce qui s'en est suivi. C'est effectivement pas mal moins clair que ce qui se passe à la Deuxième Guerre, pour les enjeux, en tout cas. Oui, il n'y a pas de bon et de méchant clair. T'as pas de Adolf Hitler qui... Ouais, c'est ça qui est la figure emblématique du mal absolu dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale. Dans le cas de la Première, tout le monde est dans le même bateau et souffre beaucoup, en tout cas, vu le type de guerre dont on parle. Oui, c'était uniquement parce qu'il avait signé des ententes puis qu'il y avait des intérêts économiques et politiques aussi. Mais c'est principalement à cause des alliances. Et il y a aussi la fin de la Première Guerre mondiale. Ils se sont entendus au traité de Versailles, et il n'y a pas de conquête comme la conquête de l'Allemagne par les Russes d'un côté, les États-Unis de l'autre. Donc c'est un peu différent. Il n'y a pas un build-up incroyable pour une fin de jeu vidéo. Ça finit un peu en queue de poisson, en sens que bon, on s'est battu pendant 4 ans, on va signer un traité. Les Allemands, il y avait simplement plus de ressources, et les Alliés avec les États-Unis avaient un renouveau de ressources, donc c'est ça qui a fait le changement. Et l'autre... Oui. Et qui était aussi, avec le traité de Versailles, un des trucs qui a penché dans la balance, justement, pour le déclenchement de la Deuxième Guerre. Oui. Je sais pas ce que t'en penses, on pourrait peut-être faire une série de jeux à partir de la Première Guerre et peut-être se rendre jusqu'à la Deuxième Guerre. Qui sait, ou peut-être au niveau, justement, stratégique ou des jeux politiques, des fois de simulation politique, qu'on voit de moins en moins, ce serait peut-être une bonne idée, justement. Un type d'aventure graphique sur les alliances secrètes et les... Ben oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Et là, on parle de ce contexte-là, Diego, puis on se dirige vers Verdun, ce jeu-là dont tu nous parles depuis tantôt. Est-ce que, justement, on ressent bien, parce que là, on parle évidemment d'un jeu de tir, mais c'est un jeu aussi de simulation, tu l'as dit. Est-ce qu'on ressent bien ce contexte-là, justement, de guerre sale et dans le rythme du jeu également? Oui, d'abord parce que il y a plusieurs raisons, donc c'est... L'intérêt, c'est que c'est bon là. Actuellement, il y a uniquement quatre cartes pour jouer. Donc, okay. Ça représente bien les terrains qu'il y avait. C'est des terrains qui sont très accidentés. C'est des trous de mortier, des tranchées. Les terrains, au maximum, la carte est de quelques kilomètres carrés au maximum. Donc, c'est assez rapide. Donc, ça, c'est intéressant. Rempli de barbelés. Donc, ça remonte bien l'esprit les terrains de la Première Guerre mondiale. Entre les cartes qui sont reprises, c'est Verdun, la Picardie, les Vosges, plusieurs combats comme ça. Et là, justement, on fait quoi quand on arrive dans le jeu? Là, on se promène tout seul, on saute partout, puis on saute partout, mais là, il y a vraiment une façon bien spéciale de jouer dans ce FPS-là. Je pense que tu parlais que c'était un multiplayer uniquement, premièrement. Est-ce que c'est... on avait dit hors d'onde tantôt que c'est des équipes de 4, je pense. Hein, comment ça fonctionne? Oui, en fait, c'est des 30 contre 30, mais on est toujours répartis par escouade. Donc, ils appellent ça, c'est un FPS tactique. Donc, dans chacune des... t'as 4 escouades, donc 2 pour les... Actuellement, il y a juste les Français contre les Allemands. Donc, okay. T'as 2 escouades françaises, 2 escouades allemandes. C'est les poilus, donc une infanterie normale, et les chasseurs alpins, donc une infanterie plus légère. C'est l'équivalent... les Allemands, c'est la même chose, mais en traduction allemande. Et donc, à l'intérieur de chacune de ces escouades-là, tu as 4 classes. Ça part de caporal, fusilier, grenadier, tireur d'élite. Il y a plusieurs classes et l'équivalent des deux côtés. Ce qui est fort intéressant, c'est que c'est un jeu extrêmement minimaliste, ce qui représente bien un peu ce qu'un soldat pouvait avoir sur lui. T'as pas une arme d'assaut, ton pistolet, plusieurs un couteau ou quoi que ce soit. T'as vraiment uniquement ton arme principale avec quelques balles et assez de balles pour probablement survivre. Je me suis jamais rendu à la fin d'un chargeur, pour être honnête. Okay. Mais donc on meurt assez rapidement. C'est un concept qui reprend bien la Première Guerre mondiale, c'est que t'es censé, t'as de la misère à voir, il y a beaucoup de fumée, il y a plusieurs cartes qui jouent dans noirceur, donc dans la nuit, donc ça rajoute la difficulté de voir les ennemis de loin. C'est beaucoup un jeu, ceux qui sont habitués au FPS, c'est beaucoup un jeu de camper. Donc c'est pour ça que ça prend, t'as besoin de ton de tes autres collègues de ton escouade, parce que généralement, comme par exemple moi, une de mes classes que j'aime bien jouer actuellement, parce que honnêtement je suis pas un très bon tireur, je joue le caporal. Donc le caporal, j'ai uniquement un pistolet, mais okay. J'envoie des tirs de mortier à certains endroits. Ah. Donc je me cache, là j'ai mes collègues qui m'aident, qui me protègent, et j'envoie des tirs de mortier. Donc je peux détruire les nids de mitraillettes ou les nids de... les nids de tireurs d'élite aussi. Ou les tireurs d'élite. Okay. Un autre concept qui est intéressant, mais qu'on voit aussi dans d'autres FPS actuellement, comme les nouveaux Call of Duty, c'est un concept d'expérience. Ok. C'est pas vraiment du RPG. C'est toi en tant que joueur. Plus tu joues, plus tu gagnes, plus t'es bon, plus tu gagnes d'expérience par rapport. Et il y a aussi une expérience d'escouade. Plus tu travailles avec ton escouade, plus tu augmentes ton expérience. Ce qui te fait avancer. Et quand tu montes de niveau, tu atteins des upgrades pour tes armes. C'est encore assez basique, là. Donc, par exemple, le tireur d'élite commence avec une arme avec trois munitions par cartouche et sans lunettes de vision. Donc, plus tu joues, à un moment donné, tu vas débloquer la lunette de vision. Si t'es mitrailleur, tu commences avec une mitraillette un peu cheap. Et là, au fur et à mesure que tu augmentes d'expérience dans cette classe-là, tu vas atteindre avec une meilleure arme. Mais c'est toujours des armes qui existaient durant la Première Guerre mondiale. Uniquement une différence de qualité. OK, excellent. Ah, je trouve ça vraiment intéressant, justement, de jouer sur cette qualité-là et d'avoir un... Parce qu'on s'avouera que la plupart des, justement, des jeux de tir à la première personne qu'on connaît, entre autres, là, avec la série des Call of Duty, Battlefield, on est moins... Il y a du tactique, mais on n'est pas... En tout cas, j'ai l'impression qu'avec ce jeu-là, on va arriver à un autre niveau, justement, au niveau du tactique puis au niveau de la patience parce dans ce genre de jeu-là, parce que dans les autres... On s'est bien tiré, on a le moindrement des bons réflexes, puis ça va bien, mais on n'est pas obligé nécessairement d'être patient. Faut savoir où aller, mais tandis que là-dedans, t'as l'air de me dire que c'est essentiel, la patience et la stratégie. Oui, tu peux pas courir à travers la carte. Tu vas te faire tirer assez rapidement. Il faut vraiment que tu regardes, bon, mais je vais courir jusqu'à ce trou-là, je vais me cacher, je vais vérifier. Et aussi, l'aspect tactique est pas très difficile à comprendre et à utiliser. T'as pas besoin d'avoir de micro puis parler à tes collègues. Ça peut être l'idéal. Là. C'est sûr que ça augmente ce que tu peux faire et la communication entre les joueurs. Mais c'est vraiment juste d'être à côté. C'est parce que c'est le principe de base sur les cartes, c'est d'aller chercher un point. Donc quand tu vas chercher le point ennemi, tu gagnes un point. Quand tu défends le point ennemi pour le point que tu as capturé, tu gagnes un point. Et donc là, il y a plusieurs points sur une carte, pardon, et tu avances comme ça. Et là, à partir de là, il y a un temps aussi, mais quand une équipe blanchit l'adversaire facilement, ou quand il se rend à la fin de la carte, l'autre équipe a gagné. Donc, ça, c'est assez simple. Donc, on avance, on recule, on avance, on recule, on avance, on recule. C'est essentiellement le mouvement que tu fais. Tu reprends une position, tu défends cette position-là. Bon, si t'as peur, bon, tu vas à la position précédente, tu te redéfends de là. Donc, c'est comme un match sans arrêt pendant... Il y a des matchs 20 minutes, d'autres 45 minutes. Donc, c'est assez intéressant. Tu n'as pas besoin de parler à tes collègues. Généralement, le but est commun et on se fait tirer de la même place. Donc, on se défend de la même façon. C'est assez intéressant comme ça. Il y a pas de... C'est pas extrêmement complexe à jouer en équipe. Ah, mais excellent. En fait, moi, j'entends ça, puis j'ai vraiment le goût d'y jouer, justement parce que ça sonne comme étant un jeu différent, surtout avec le rôle dont tu me parlais, le rôle de caporal que tu incarnes avec, les tirs de mortier. Ça amène aussi, des fois, d'autres types de joueurs qui sont pas nécessairement des grands, grands fans de ce genre de jeu-là, parce que, justement, moi-même, je suis pas super bon dans les jeux de tir, même si j'y joue quand même. Je trouve ça intéressant qu'il y ait ce genre de rôle-là qui soit amené autant pour amener au réalisme du jeu puis à la simulation, puis autant aussi pour amener d'autres types de joueurs. Oui, parce que c'est les caporales, c'est ce qu'ils faisaient aussi dans les tranchées. Ils appelaient les mortiers pour dire bon, cette position là puis pilonner ça, et là, après ça quand c'était pilonné, ils envoyaient l'assaut. Donc tu te promènes avec tes jumelles, tu regardes dans tes jumelles pour voir plus loin. C'est assez intéressant, c'est bien fait. Ou surtout, comme je disais aussi, l'article de Kotaku qui disait que les problèmes de faire un jeu de la Première Guerre mondiale, je trouve qu'ils ont été bien exploités dans ce jeu-là. Principalement, le type de guerre, c'est vraiment un guerre de tranchées. Donc, l'essentiel des cartes, c'est des tranchées, ce qui rend la chose assez simple. Tu peux toujours modifier en mettant des bunkers par-ci, par-là, ou en changeant la géographie, parce que tu as toujours un point de vue meilleur quand tu es plus haut, plus bas, tout dépendant, tu es plus à vue. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont bien joué, comme je disais, la complexité de la trame narrative. C'est que c'est simplement, il n'y a pas de mode joueur unique. C'est que tu fais vraiment uniquement rentrer sur une carte avec, il va toujours avoir de la place un moment donné dans une équipe, sinon tu reprends une nouvelle équipe si la carte n'est pas pleine, et tu rentres et tu joues. Il y a pas de... Donc, c'est comme une guerre éternelle dans le jeu. Et tu rentres, tu fais « Trouvez-moi une escouade. » Et là, tu joues aléatoirement une carte. Et c'est assez intéressant. Pas besoin de te trouver une équipe, de te faire une équipe comme dans Dota, par exemple, ou de te trouver un serveur. Tu rentres et... Excellent. Tout le monde joue ensemble sur un serveur. Il y a quand même quelques centaines de personnes qui jouent sur le premier serveur américain. J'ai pas vu combien de serveurs il y avait, mais c'est fort intéressant. Pour ceux qui pourraient être intéressés par un autre type de jeu, rapidement, il y a un autre jeu qui devrait sortir, il est attendu depuis presque un an et demi, deux ans, c'est The Trench 1916, donc La Tranchée de 1916, qui est un jeu français du studio Gallica, qui devrait sortir dans les prochains mois, peut-être dans l'année. Et okay. C'est un jeu, ça va être aussi un jeu qui va... qui va utiliser à peu près les mêmes détails que je trouve intéressants de Verdun, qui utilise aussi ça, mais dans un mode de solo avec des options RPG. Oh, excellent. Oh, donc ça peut être fort intéressant. Là, j'ai vu les dernières annonces qui mettaient sur ce jeu-là, c'était que les terrains, l'environnement et le terrain allaient être destructibles et pouvoir être déformés. Donc c'est vraiment intéressant, mais ça c'est vraiment axé là, plus sur un côté première personne. Donc moi je suis plus un type de jeu là, FPS à la première personne avec une belle histoire. Ça a l'air vraiment très intéressant, mais il annonce ça depuis 2011, donc il est pas sorti encore. Donc un autre jeu indépendant. Ça sera à surveiller parce que ça a l'air vraiment intéressant, surtout avec le type de guerre que ça. On parlait justement, c'est la guerre des tranchées, c'est la grande guerre. Quand on a un terrain qui se modifie. Justement, avec les tirs de mortier et tout, ça vient rajouter au réalisme, puis aussi à la complexité du jeu. C'est vraiment, mais vraiment intéressant. Ce sera à surveiller. C'est The Trench 1916. Voilà. Oui. C'est dit. Écoutez, mesdames et messieurs, ça va tellement vite. Juste peut-être souligner, on aura peut-être la chance de le tester, on pourra s'en reparler, Diego. Le fameux jeu d'Ubisoft, Valiant Hearts, The Great War, Soldat inconnu, Mémoire de la Grande Guerre en version française, qui est sorti au mois de juin. Ce sera à surveiller, je pense aussi. L'as-tu essayé? Non? Je vais me lancer, je pense, la semaine prochaine là-dedans, mon cher Diego. On pourra s'en reparler peut-être lors de ta prochaine chronique où on verra. Oui, peut-être pour en dire davantage aux auditeurs. Ça, c'est un jeu de Ubisoft Montpellier qui se base sur les lettres de Poilu, du grand-père d'un designer. D'Ubisoft, et c'est une belle petite histoire, une aventure graphique qui est dans le contexte de la Première Guerre mondiale et qui traite un peu du sujet de la Première Guerre mondiale, mais c'est pas un jeu de tir, c'est pas un jeu de guerre. Non, c'est ça. C'est, mais ça a de l'air magnifique. C'est ça. Moi, ça m'avait, en tout cas, l'annonce m'avait beaucoup touché au E3. C'est que j'ai vraiment hâte de voir ça. Ouais, en français, c'est Le Soldat Inconnu. Mémoire de la Grande Guerre. Mémoire de la Grande Guerre. Et voilà. Écoute, merci beaucoup Diego pour c'est encore un sujet super intéressant. On a parlé du jeu Verdun disponible déjà sur la plateforme Steam. On a parlé rapidement aussi de Trench 1916. Donc Diego, juste pour savoir, Verdun, on peut le retrouver à quel prix sur Steam? Oui, il est à un prix très abordable, donc 18,99 US ou $50 pour acheter un 4-pack, donc 4 versions que tu peux le donner à tes amis comme j'ai fait. Ah bon, ben excellent, c'est gentil ça Diego. Puis en plus, comme ça tu te crées une escouade tout de suite en partant, pas besoin de chercher du monde. Absolument, j'ai reçu des jeux en retour, c'était vraiment cool. Ah excellent, ben, tu vois, on appelle ça le karma. Le karma, absolument. Merci beaucoup Diego pour ta chronique et on se reparle le mois prochain. Plaisir. You beat the game, you're feeling pretty cool. You stayed up all night and missed a day of school. You played like a champ, so what do you get? 37 pounds of jack shit. Well, look at your kid. Your thumbs are big and red. You smell like a taint. Your goldfish is dead. So here's your reward. Excessive amounts of names you can't even pronounce. We're talking Taku, Ikichi, and Kichihara, and Morikasu, Maru Maru. Pen, Pen, Ban, Ban, Bun, Bun, Tompon, and Far. Road Zapper, and Nakazu. And after the creds, which took a fucking while, a crappy cartoon, all pixelated style. No trophies today, achievements no way. It's all for naught, for diddly biddly squat. And that's how it goes with classic games. Cutscenes that blow and rice mobile names. Your hopes were so high, so much was in store. It's the end, but wait, there's more. Another screen, another door. Hey, thank you for playing. Well, ain't that sweet? Clearly our lives are now complete. Despite how it ends, you'll play it again. But for now, my friend, this is the end. I love you, baby. Try it on hard mode. This is the fucking end. Congratulations. I've never seen such finger speed. Let's get a burger. It was a dream. We won't tell if Jason died, so stare at your brother's head in the sky. This is the buggin', the sweet mother huggin'. Là, je joue aux jeux vidéo, mais il me semble qu'il me manque quelque chose. Ouais, ça manque de bière dans ce show-là. C'est le moment de la chronique bière et jeux. Santé. Santé. Et oui, de retour à puissance maximale, mesdames et messieurs. Vous avez entendu M. Diego Lamanna vous parler du jeu Verdun et de la Première Guerre mondiale. Et vous avez entendu en musique, on a entendu tantôt Angry White Boy Polka de Weird Al Yankovic. Et à l'instant, vous avez entendu Classic Ending Credits with Lyrics de Brental Floss. Et là, on a M. Éric Lajeunesse qui nous verse de la bonne bière. En tout cas, de la bonne bière, on n'y a même pas encore goûté. On va vous dire ça, de la brasserie Donham qui s'appelle... Là, j'ai comme la bouteille... La Propolis. La Propolis, voilà. On voit pas à job, Eric. Non, mais il fallait bien que je le dise. Donc, la fameuse bière au miel qu'il nous a apportée. Donc, Eric, évidemment, on vous rappelle aussi que cette chronique est une présentation du dépanneur tout près à Lévis, au 97 rue Wolfe, qu'on vous suggère, bien évidemment, pour vos achats spécialisés en bière. Il y a tout ce qu'il faut là-bas, autant au niveau de la bière qu'au niveau des accessoires. Parce qu'ils ont des verres. Non, il y en a pas mal. D'ailleurs... Il y a 3 semaines, je suis allé dans un party, puis j'ai bu dans un gros boc avec un style à l'allemande, là, avec un gros boc avec un couvercle. Là. En grès? Non, lui, il est en bois. Okay. Il était vraiment beau, avec en dedans, c'est de la cire d'abeille à l'intérieur pour rendre le tout étanche. Et j'ai vraiment envie d'un boc avec un couvercle depuis ce temps-là. Donc, il y en a là-bas. Pourquoi t'es pas parti avec? Parce que c'était mon ami Gabriel... Qui avait payé ça quand même assez cher. Donc, je me suis dit que j'allais lui laisser, mais l'avait prêté pour y mettre 2 fins du monde, parce que son bac peut contenir 2 bières. 2 grosses? Non, 2 fins. Non, arrête. On sait jamais. C'est parce qu'il y a des grosses bottes aussi. Ah, ouais. Ben, il y a ça aussi qui me tente un peu. Je sais. Il y a ça aussi au dépanneur tout près. C'est pour ça que je parle de tout ça. Une bonne grosse botte. Il y a même quelque chose qui ressemble à une corne en. Ouais, ben évidemment, ça aussi c'est tentant d'avoir une corne à boire pour les parties. Mais donc, bref, tout ça pour dire, dépanneur tout près, 97 rue Wolfe, à Lévis, allez les voir. La mousse, la bière. Ouais, là, ça... Il y a une chose qu'on... En tout cas, moi... La mousse est dense. On peut pas... Moi, je vais essayer de faire de quoi, là, parce que... Prends une photo de ça, faites quoi, là. Ah ouais, je vais vous montrer ça. Moi, c'est hallucinant, ben raide, là. Tu peux t'occuper de faire la description de la dite bière, mon cher Eric, pendant que je prends une photo. Le pire, c'est que j'en ai enlevé de la mousse. Donc, on parle de la propolis. Les brasseurs de Nam, je pense que c'est la dernière chronique, il y a une couple de mois que j'ai faite. Ah oui, c'est la dernière que tu avais faite, oui. Donham avec la saison. Avec la saison framboise qu'on avait tous bien aimé, bien apprécié. C'est au début de l'été. Donc, on parle encore d'une bière saisonnière, une multigrain au miel qu'on n'a pas goûté encore, qu'on ne sait pas si c'est bon ou pas. On va goûter à ça. Je l'ai choisi par contre parce que justement, c'est une bière multigrain. Les frères Houblon, brasseurs Trois-Rivières, en font une aussi que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup, mais que je connais par cœur. Fait que je dis, je vais sortir de ma petite zone de confort. Ben oui. Là. Puis la dernière fois que justement, quand j'étais allé chercher la saison framboise, Maryse m'avait parlé de celle-là, puis je l'avais pas pris, puis je me disais, c'est le début de l'été pour les filles aux fruits, nanani, nanana. Et Michael. Ben ouais, c'est ça, les puis Mike aussi. Là. Ben, surtout framboise. Hein. Il aime bien la raie d'or, la raie dorée, non? La mocador. La mocador. Mais là, je suis retombé sur les bières aux cerises. J'ai goûté l'éphémère aux cerises. Ouais, c'est bon, hein? Mon Dieu, que c'est... J'ai goûté ça en fin de semaine. C'est malade. Très, très, très, très bon. Très, très bon. Contrairement à... Les fameurs aux pommes, là. Ouais. Même moi qui devrais aimer ça, vu que je suis un fan de cidre, là, je serais pas mal moins sur les fameurs aux pommes. Mais un gros, gros flash sur celle aux cerises. Là, je fais une parenthèse. Là. Il est sorti un nouveau produit aux pommes. L'Apple Jack. Ouais. J'ai vu passer ça. Moi aussi, j'ai eu 2 commentaires bien différents. J'ai eu un qui a dit que c'était hyper bon, puis qui a capoté. Puis un autre qui a dit c'est pas buvable, c'est vraiment de la... Bon. Éric, dis le mot. Là. Moi, j'ai goûté. La crise de la merde. Bon, voilà. Moi, j'y ai goûté. OK. La serveuse, quand elle l'a porté à la table, pour la madame, évidemment, parce qu'un gars, ça ne boit pas ça. Sauf Mike. Ah, pas moi. Elle dit, je vais te l'apporter avec un verre de glace parce qu'elle dit, il y a beaucoup. Elle dit, les femmes d'habitude vont préférer la boire sur glace parce que ça dilue un peu le sucré, là, puis blablabla. Puis là, elle a goûté à ça, puis elle a fait comme, ah, c'est super bon, puis c'est pas sucré pantoute. Fait que là, j'y ai goûté aussi. Puis au dire de la serveuse, c'est comme une bière qui goûterait le jus de pomme. Ben, elle avait entièrement raison. Ouais. Ça goûte pas le cidre. Ça okay. goûte le jus de pomme rougemont. Ouais. Ah bien. Ah, je suis comme. En tout cas, il faudra que je le laisse, mais. C'est correct. C'est pas, t'sais, c'est pas dégueu. Ça sonne c'est... la bière aux pommes bas de gamme. Ouais. Ça avait l'air de ça quand je l'ai vu. Mais là. C'est quand même mieux que la boîte correcte, la cabine téléphonique british. Là. Ouais, ça j'avais pas de. Je me rappelle pas du nom. Ça, non, Westy, hein. C'est moi qui avais emmené ça chez toi. Ouais, mais comment ça s'appelle, non? Ça, c'est sucré par. Ouais, mais c'est à cause que c'est un cidre de pomme au poire. Mais c'est comme trop sucré. Ouais, non? Mais c'est dégueulasse. Ça, c'était le sucre de la poire. Mais le McCown qu'on avait déjà goûté dans le cidre, ouais, c'est celui que t'avais aimé. Non, c'est le gâche à part. Il y en font un au poire qui est très bon. Non, je sais, mais celui-là que je te parle, c'est à cause que c'est un cidre à la base qui est déjà sucré, mais en plus, c'est un cidre mélangé avec un. À la poire. Mais il y en a un, il n'est pas à la poire, là. C'est un cidre, là. Il est brun. Moi, je l'avais pas aimé, mon nom. Puis c'est comme, ah, c'est bien trop sucré, là. Non, mais dans le cidre, comme dans la bière, faut savoir lesquels choisir. Exact. Donc, on ferme la parenthèse sur ces produits-là. Oui. Pour revenir à la propolis. Oui. Fait que tu vois, là, on nous parle. Orge. Alexandre Cire. Orge, blé, avoine, seigle. Évidemment, miel, épices, la patente. Fait que, ouais. C'est quand même un beau mélange de céréales. Là. On goûte à ça. Là, vous avez enlevé de la mousse, vous autres? Là? Oh oui, ben. Non. Moi, oui. Parce toi, non? Que, j'en ai pris un peu avec ma bouche tantôt. Là. En passant, c'est une bière non filtrée et non pasteurisée. OK. Fait c'est ça, bon de le préciser. Fait que ça, c'est bien le fun. Fait que ça goûte encore quelque chose. Ça goûte les levures souvent. Là, ben, ça goûte. En tout cas, moi, j'ai pris une gorgée. Puis quand on dit qu'on parle de céréales, là, ça goûte la céréale. Là. Et juste une parenthèse comme ça, Alexandre Cire des Deux Snooze a écrit que le pub, pas le pub, mais le cidre brun que tu parles, là, ouais. C'est le Dublin's Pub. Et qui voilà. Fait, c'est leur Black Velvet. C'est ça, c'est en plein ça. Dublin's Pub, moi, pas Black Velvet, je veux dire le. C'est ça, un Black Velvet. Ouais, ben moi, le Dublin's Pub, il est rayé de ma liste, malheureusement. C'est trop sucré. Merci. Merci, Alex. Monsieur Cire. Non, ça, moi, le Dublin's Pub, j'avais vraiment pas accroché. Ouais, mais écoute, là, la propolis, là, moi, je j'aime ça, mais c'est ça. C'est ça goûte. On parlait de grains, là. C'est ça que ça goûte. Il y a un bon. Moi, ce qui me fait triper, c'est vraiment la mousse, là. T'en prends, puis ça reste là. C'est quasiment de la crème fouettée, là, tellement ouais, c'est dingue, là. Pour ceux qui se posent la question à quoi ça ressemble, normalement, j'ai dû le poster sur la page. Ça vient de poster. Donc, si vous êtes intéressé à voir à quoi ça ressemble, c'est pas mal ça. Ça ressemble, à, pour vrai, c'est assez dense comme mousse. Et puis, on voit les résidus de fermentation en plus dans le verre. Là, c'est super bon. C'est un bon arrière-goût. Oh oui, c'est le houblon, ça. Là. Ça goûte. On est loin de l'IPA quand même, là. Mais tu sais, quand même amer, mais puis en même temps sucré. Je goûte beaucoup, beaucoup le miel. Ah ouais? Peut-être même un petit peu trop à mon goût. Ah, tu vois, moi, je trouve. Ben, c'est ça. Moi, je t'aimes ça plus sucré, t'aimes les cidres. C'est hein? ça. Ça fait que moi, je le sens moins un peu. Mais je l'aime bien. Ça fait un goût. Ben, c'est une bière goûteuse, en tout cas. Ça goûte, là, quand on se trompe pas quand on boit ça, on boit de la bière. Ça, c'est sûr et certain. Non, fait c'est donnant ma date, c'est pas mal deux en deux, là. Mais j'en prendrais, mettons, une de ça. Ben, c'est quand même une grosse bouteille. Là. On parle d'un format de 750 millilitres. 750, qui était, on parle de? 5,2% d'alcool. 5,2, c'est quand même, quand on passe à 5%, ça commence à être un peu plus fort. Elle est quand même abordable, elle est à 8,99. OK. La 750, je trouve ça, c'est raisonnable, là. Ben pour bonne bière, mais tu sais, tu ne pas sa ballonne là-dessus non plus, là. Non, pas du tout. De toute façon, tu vas moi, après ça, après une comme ça, j'en prendrai pas d'autre. Sa ballonne, tu sais, c'est les brasseurs RJ, là. Non, on lance une petite pique comme ça à notre ami Alex. Mais voyons, ils font des bons produits aussi. Je dis d'ailleurs que ça ressemble à une meringue, la mousse. Oui. Ouais. C'est en plein ça, Alex, ça t'a mis le doigt dessus. C'est effectivement, ça ressemble à une meringue. Quel homme érudit. Ou bien, en fait, il faut dire que sa compagne est pâtissière, donc il est au courant. Et qu'il vient de perdre toute crédibilité juste parce que sa blonde est pâtissière. Non, tellement pas. Là. Mais non, donc une bière, c'est pas trop... pas trop amer. Moi, ça me dérange vraiment quand c'est trop amer. Ça, moi, les IPA, je suis vraiment pas un fan. Il y en a certaines, j'en avais vu une. J'aime bien ça, une IPA. Peut-être pas 8, là, mais une. C'est celle qu'on a pris ensemble. Ah, au Corsair. C'est laquelle déjà? Tu te rappelles-tu du nom? C'est la IPA noire. Comment elle s'appelle déjà? Andrew n'a pas fini sa pinte. Non, j'ai pas été capable. Il a pas été capable. Ben, c'est parce que dans ce cas-là, ça devait pas être une IPA. Ça devait être une double ou une triple IPA. Non, c'est une noire IPA. OK. C'est à cause qu'elle goûte la noire, mais avec toute l'amertume d'une IPA. Elle m'a tombé sur le cœur, là, c'est... Mais là, ça, c'est aucunement comparable avec ce qu'on a entre les mains. Moi, habituellement, ça m'attaque direct, je savoure, mais après, disons, un verre, je vais passer à autre chose. Mais elle, au début, on a tout de suite le grain, justement, les multigrains qui viennent. Mm-hmm. Puis moi, c'est, tu parlais du miel tantôt, là, je suis rendu à ma quatrième gorgée, là, je le sens mieux, là, c'est le goût du, justement, des grains laisse la place au reste. Le miel, il est subtil. Ouais. Ben, il est pas trop présent, il est là. Vois, moi je le goûte beaucoup. Non mais moi je le goûte, drôle, hein? Mais je trouve qu'il est pas envahissant. Tu sais, c'est pas le goût qui est dominant dans la bière. Ben non, c'est pas sucré là. Ça se marie très bien, c'est un bel assemblage, on va dire ça comme ça. Mm. Mais donc Propolis pour Brasserie Donham, félicitations, c'est vraiment un beau produit. Un pouce en l'air. Messieurs, évidemment, quand on dit bière à puissance maximale, on parle aussi jeu. Vous avez quoi en tête, vite comme ça, sur ce genre de bière-là? Vous jouez à quoi? Elle est tough. Ouais, elle est vraiment tough. Surtout que, avec tout ce qui... Hitman. Tout ce qui m'est arrivé dans les derniers mois, après, j'ai mis les jeux de côté un peu. Je te dirais. Moi, j'irais avec un jeu de combat, moi. Moi, j'aurais Hitman. Un jeu de combat. Ouais. Mais là, jeu de combat. Ouais, oui, moi, j'irais avec un jeu de combat avec cette bière-là. Non, je suis pas d'accord, moi. Est-ce que tous les goûts sont dans la nature? Est-ce que tu veux de ton bord? Mais c'est un humeur de cul depuis qu'on est rentré ici, de toute façon. Mais non, c'est ça. Moi, j'irais jeu de combat. Peut-être quelque chose, justement, là, pas des trucs qui finissent, qui des combats qui durent deux plombes, là. Mais ouais, jeu de combat, j'irai avec ça. Peut-être un petit Mortal Kombat, là, ça fait longtemps que j'ai pas joué, là, j'aurais une envie d'être ça. Mais. Ouais. Hmm. Je sais pas si c'est réellement la bière ou vraiment le fait que t'as le goût de jouer qui fait en sorte que tu dis ça. Non, sans faire, c'est un bon petit jeu de combat. Ouais. Ça se boit. Moi, je bois pas ça. Ça, c'est une bière que je boirais tranquillement. On est occupé pendant un jeu, entre les rounds, entre les combats, une petite gorgée. Moi, je jouerais à Hitman. Ouais, mais t'es là-dedans pas mal, toi. T'es en train de jouer à Absolution. Ouais, ben, c'est à cause que t'es. Quand on parle de l'agent 47, on parle d'un agent soigné, bien vêtu, qui est toujours d'un ton neutre et ne me démontre aucune émotion, aucune agressivité. Je dis pas cette bière-là, pas de panache ou quoi que ce soit, mais t'es. Quand on joue en mode assassin silencieux, là, tout ça, là, qu'il faut calculer, observer, tout ça, je trouve que c'est une bière qui se prendrait bien. Moi, je trouve que ça fit avec la personnalité et l'allure de l'agent 47. Vous allez dire que je me sens philosophique aujourd'hui, là, mais... Écoute, tu me disais, c'est peut-être parce que t'as envie de jouer que ça... m'a envoyé la même affaire. Ben, ça coûte, je m'excuse, monsieur, mais ça fit mieux avec un jeu comme Hitman qu'un jeu comme Mortal Kombat. Je vois pas des tripes et des choses comme ça dans cette bière-là, moi. Écoute, si tu vois des tripes et d'autres choses dans cette bière-là, t'as clairement un problème, M. Castegan. Mais d'accord, donc pour Hitman, Eric a l'air vraiment à rechercher sans cesse. Mais tu me parlais de jeux que t'as joué tantôt. Mais... Je sais pas si, en tout cas, ça pouvait rentrer là-dedans. Non? On a parlé de jeux que tu avais réussi à avoir avec le... Ouais, avec le Live Gold, là, les fameux jeux gratuits que le Live Gold offre depuis juillet, du moins pour la One. Mais non, ça va faire... c'est vraiment drôle. Ce que c'est. Elle me donne envie d'un jeu de table. Ben oui. Ben oui, ça marcherait numéro un aussi. Un jeu de table, tu sais... Rien de rapide, là, tu sais, que tu prends le temps. Ben, là. Un petit Munchkin, c'est vrai que ça se jouerait bien en Munchkin. Ou encore le jeu Quattro, là, qu'on a joué, là. Oui, un des jeux auxquels on a joué à la revanche la semaine passée, moi, puis Andrew. Ça au Corridor, ouais. Ça marcherait super bien. Ah oui, le jeu que j'aime pas, là. Ouais, c'est ça, parce que je t'ai battu. C'est juste pour ça, là, que tu l'aimes pas, là. Non, c'est parce que je suis juste pas capable d'évaluer les murs. Ben, en fait, ça fait penser un peu, c'est un style échiquier. On a un bouton qu'on doit. Un petit pion qu'on doit envoyer de l'autre côté pour gagner. Mais on a des petites plaques de bois pour contrer les mouvements de l'autre. On okay. en a un certain nombre. C'est tout simplement comme ça. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est sûr que. Quarto! Que Danny. Merci, ouais, Danny. C'est ça, Quarto. Une chance qu'on a Danny qui écoute l'émission. Il nous dirige au niveau des jeux de plateau. Tant qu'à faire, Danny, tu nous diras les prix en attendant qu'on en parle. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment des jeux, c'est simple. Ça prend pas deux heures à apprendre. Mm-hmm. C'est ça finit là. On part, on va faire plusieurs parties. Ça va vite. C'est des bons jeux. Et pour Quarto, c'est. Un genre de tic-tac-toe. Mais il faut faire une ligne de quatre. Puis on peut gagner en mettant juste des pièces carrées ou juste des pièces hautes ou juste des pièces rondes ou des pièces qui ont des trous. Il y a quatre caractéristiques de ces pièces-là, puis on doit en aligner quatre. Là, c'est vraiment beaucoup. Ben, Andrew a été beaucoup meilleur que moi à ce niveau-là sur ce jeu-là. Mais la twist, c'est que c'est ton adversaire qui choisit la pièce que tu dois jouer. Ouais, c'est que là, ça devient. Okay. On est à un autre niveau, là, au niveau de la partie, de l'observation puis de prévoir les coups. C'est pour ça que moi, je suis pourri à ça, mais j'ai beaucoup aimé ça malgré le fait que je suis pas bon. Une variante expert où on, ça marche, on fait un carré. Ouais, au lieu de faire un carré, un à côté de l'autre, les pièces, au lieu de faire une ligne droite. Mm-hmm. Fait que là, on est rendu à un autre niveau encore que moi, je n'atteindrai jamais. Mais vraiment un jeu très intéressant. Corridor, la même gang en fait qui l'ont fait. C'est très. Ouais, effectivement, ça marcherait très bien là-dessus. Les pièces sont en bois en plus. Très belle présentation. Ah, bonne qualité de jeu. Oh oui, c'est là. Pas de cheapette, là. On a quelque chose de très bien entre les mains. Ouais, effectivement, Andrew, moi j'irais même sens que toi avec ces petites bières-là. Là, ça se jouerait très bien ces deux jeux-là. Belle suggestion. Donc, évidemment, si vous êtes intéressé, pourquoi pas passer à la revanche pour aller les essayer avec notre ami Danny ou Michel. Ou si vous les connaissez et que vous voulez en faire l'acquisition. Ben, justement, Danny vient tout juste de me répondre. On est aimé. Danny me dit que c'est autour de 24$ pour ces jeux-là. C'est des bons, c'est ça, quand on vous dit que vous allez avoir quelque chose des de qualité entre les mains. Games, ça, là. C'est vraiment le fun, là, justement, là, entre amis, souper à 2-3. L'anniversaire, en gang, vous avez plusieurs jeux de société. T'as peut-être parlé de demain. Après une bonne longe de porc, érable et boire, poire. Là. Ben, c'est ça qu'on fait demain. Donc, on pourrait se trouver ça pour demain. Mais effectivement, là, d'excellents jeux. Vous pouvez passer les essayer à la revanche. Ou on me dit qu'autour de 24$, c'est disponible à la revanche également. Donc, bon. Merci beaucoup, monsieur La Jeunesse, d'être passé pour nous avoir parlé de ces bières-là. Nos notes, c'est quoi? Ben, allons-y, monsieur Castegan. Donc, combien sur 10 donnez-vous à cette bière? On rappelle le nom, la Propolis de la brasserie Donham. Il y goûte. J'y regoute. Moi, de mon côté, j'irais avec un 7.5. Ah, c'est un 8.5. Ah ouais? Ah, ouais, ouais. Ouais, mais... On le disait tantôt, c'est plus ton genre de bière que le mien, mais 7.5, c'est une bonne note aussi. Ah, M. Castegan a l'air... De sommelier. Non, c'est ça, en mode sommellerie. Moi, je l'ai quand même beaucoup apprécié. Je dirais un 9, moi. Oh, quand même, un 9. Je serais capable de passer à travers la bouteille. Je trouve ça fantastique de voir les particules en suspension en plus. Ouais. Là. Ça donne beaucoup de goût. Là. C'est une bouteille qui a un mais bon c'est goût. Rare qu'on voit ça comme ça. Autant en suspension ouais. comme ça. Ouais, ouais. C'est rare qu'on voit ça. Une bière qui a un bon goût, il y a un caractère. Il y a elle a une belle apparence, sérieusement. Puis elle a du corps aussi. Là, c'est pas corps. À queue. Là. Non. Non. C'est... Non. Moi, j'y vais avec un 9. Vraiment trippant. Donc, un 9 pour M. Castegan. Et sérieusement, après un 2 en 2, j'ai vraiment le goût de découvrir d'autres produits de la microbrasserie d'Anam. Oui, effectivement. On devrait se payer un petit voyage à maintenant. Ben, en fait, ça va valoir la peine de se renseigner s'ils sont au Festibière, parce que c'est en fin de semaine prochaine, ça. Oui, effectivement. Ceux qui seront au Festibière pourront aller vérifier sur le site, tout simplement, s'ils y seront, parce que ça vaut la peine d'aller découvrir d'autres produits à ce moment-là. Si vous êtes sur place, messieurs, c'est déjà la fin de la première moitié d'émission. Ça va extrêmement vite. Et là, on va y aller pour une double pause musicale. On va commencer avec, ben là, vu que Eric est là et que M. Bernie Adamus, donc Bernard Adamus, sera en spectacle dimanche au centre de loisirs, pardon, de Louisir. De Louisir. Saint-Sacrement à Québec pour leur 50e anniversaire. Bernard Adamus va donner un spectacle là, dimanche soir, si je me rappelle bien, pour un maigre 5$, je crois, ou même gratuit, là, ce sera à vérifier. Mais peu importe, le 5, même à 5$, ça vaut la peine. Donc, on va vous envoyer ça dans vos oreilles. Ça s'appelle Acapulco. Oh. Et tout de suite après, on vous envoie un groupe que moi je vais aller voir parce que moi ça, je pourrais pas aller voir Bernard Adamus en fin de semaine parce que je vais au AV Montreal. Prêtre à la nation. À Montréal. Et non, je suis très content d'y aller parce qu'il va y avoir plusieurs groupes, dont l'excellent Slayer qui va être là le dimanche soir. C'est pour ça que je vais le dimanche, entre autres. Mais aussi un autre groupe que j'ai découvert cette année qui s'appelle Hellstorm, qui est un. Pas Hell, mais Hell dans le sens de. Tempête de bière, qui est un groupe de métal pirate, donc qui vont être là aussi quand je vais aller écouter. Et je vais vous mettre une chanson d'eux de leur CD qui est sorti en 2014. Et la chanson s'appelle 1741, The Battle of Cartagena. Et vous allez voir le début, là, mais que ça commence, là. Vous allez comprendre un peu pourquoi j'ai choisi cette chanson-là. Donc, on vous envoie Acapulco de Bernard Adamus et tout de suite après 1741 de Hailstorm. Dans vos oreilles à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 Lévis. Thank you. J'ai le deuil au ventre, pis l'empreinte dans le sang. L'allure d'un colosse à vue d'un ouragan. Juste le goût de rien, j'pogné d'un quatre coins. Feuilles, il me tombe d'en face, le vent, il me fait la grimace. Oh, Acapulco. Oh, Acapulco. Ton rire, comme un buffet chinois. Ton corps, un all you can eat sur le top de l'Himalaya. Dans ma patate, j'traîne comme un bleu. Il court, il chiole tout le long de la rue. Oh, Acapulco. Battez la tête avec Mario. Brosser toute la nuit avec la princesse de Monaco. Chanter Jésus avec Mimi pis Jojo. Vouloir me répandre de mon haut à chapeau. Ma oh, Acapulco. J'ai le corps enflammé avec les veines qui débordent. J'peux pas me contenter, j'suis comme un fleuve endigué. Un jour tu vas rentrer et à maison, mais en attendant, c'est donc ben long. Mais oh, oh, oh, Acapulco. Vous écoutez Puissance Maximale et c'est une présentation de GC. J'ai des tatales. Mais oui, de retour à Puissance Maximale avec un micro beaucoup trop haut pour moi. Donc voilà, c'est replacé. Vous avez entendu Acapulco de Bernard Adamus et 1741 de Battle of Cartagena de Hailstorm. Que vous pourrez entendre à EV Montreal si vous voulez y aller en fin de semaine. C'est toute la fin de semaine pour entendre quelques groupes métaux puis des groupes plus rock. Là. Ils sont en train de s'adoucir à ce festival-là. Je trouve ça un petit peu plate. Comme? Ben, Offspring, EV Montreal. Arc. C'est pas mauvais, Offspring. Mais le vieux Offspring, on s'entend. Ça a déjà été punk, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais le vieux Offspring, c'est pas mauvais du tout, mais... Je fais EV Montreal. Je sais pourquoi ils font ça, pour une raison économique. Ils veulent élargir leur public, ouais. Il va y avoir plus de monde. On comprend ça. Mais il manque sérieusement de groupes de musique métal vraiment plus hardcore que ça. Là. Mm-hmm. Puis, ben, en tout cas, Hailstorm, ils seront là au moins. Et il va avoir, et là, on va en entendre un petit peu plus tard dans l'émission, l'excellent groupe Slayer, le groupe du Big Four qui est resté vraiment métal dans ce gang-là. Metallica, c'est très bon, mais moi, Metallica, pour moi, maintenant, c'est du hard rock. Ouais. C'est plus du hard rock que du métal, mais bon, ça reste que c'était... Et ça reste un groupe métal quand même. Anthrax est resté fidèle à ses racines. Ouais. Mais en tout cas, dans les trucs nouveaux qui sortent, le mettons, en tout cas, Slayer, ça reste pour moi un dada. Là, parce que on s'entend que quand on entend Raining Blood, on a comme une envie de bouger. Là, ça comme des Morwids qui te sortent. Ah, ça bouge. On a envie de faire de quoi qu'on entend ça. Mais j'ai hâte de voir comment ça va filer dans la foule pendant que ce tune-là va partir. Donc, mesdames et messieurs, après avoir jasé musique, on va vous jaser de Comic-Con Québec. Et oui, j'étais là, j'étais présent lors de la conférence de presse aujourd'hui qu'ils ont fait à l'Imaginaire à Place Laurier à Québec pour faire quelques annonces, en fait, parce qu'on se rappelle qu'ils avaient annoncé l'événement, donc Comic-Con Québec pour le 25 et 26 octobre prochain au Centre des congrès. Et ils avaient annoncé à ce moment-là Lou Ferrigno, donc l'incroyable Hulk original à la télé, qui est quand même une bête. Le gars, il est énorme. Mon Hulk. Ouais, c'est ça. Ben, le Hulk de bain du monde qu'on voit d'ailleurs dans... Ouais, il fait un caméo. Dans Incredible Hulk, ouais. Celui avec Edward Norton. Il fait un agent de sécurité avec Stan Lee. Ouais, voilà. Le double caméo. Et ils avaient aussi annoncé Jeremy Bullock, celui qui fait... Boba Fett dans la trilogie originale de Star Wars. Et là, on a eu les principaux invités qui ont été annoncés aujourd'hui. Et c'est par ça que je commence, parce qu'évidemment, il y a pas mal de monde qui attendent impatiemment ce genre d'événement-là. En tout cas, pour le genre de Comic-Con dans ce genre-là, comment c'est monté, ces conventions-là, ça repose principalement sur les invités. Et là, on a annoncé, entre autres, Monsieur Steven Yeun, donc celui qui joue Glenn finalement dans The Walking Dead, série, ma foi, des plus populaires. On parle souvent de Game of Thrones comme étant un phénomène télévisuel au niveau de la popularité, mais je te dirais que Walking Dead est vraiment pas loin derrière, sinon au même niveau là, au niveau de la popularité. C'est très populaire. Ça rejoint peut-être juste pas le même public non plus. Ah, mais c'est étonnant à quel point des gens qui étaient pas du tout, je veux dire, dans la culture, tu sais, zombie, tu sais, le post-apocalyptique ou les films de zombies ou autres trucs du genre que plusieurs connaissent, entre autres, certains depuis Resident Evil dans les années 90, ben, c'est étonnant à quel point il y a du monde qui écoute ça pareil, qui connaissent pas ça. Donc, on a Steven Yeun qui va être là. Ça, c'est évidemment un gros coup. On est content de le voir arriver. On a Mick Foley, alias Mankind, alias Dude Love, alias... C'est quoi son dernier... je me rappelle jamais du dernier... Cactus Jack, voilà. Ouais, dernier personnage de Mick Foley. On parle évidemment du lutteur qui a œuvré dans la WWE pendant des années. Il va être là pour parler, entre autres, de lutte, pour rencontrer ses fans, mais aussi à ce qu'on nous a dit lors de la conférence, il va faire un genre de stand-up comique. J'en ai entendu parler. Il était à Comic-Con Montréal, je pense que c'est l'année passée ou il y a 2 ans. Et très, très, très bon. Donc, puis il paraît qu'il est super gentil. Donc... Il a l'air sympathique, le gars. Ben, ils disent sur le site que c'est un auteur à succès dans les librairies et aussi un amateur de marionnettes en bas. Ouais, ben ça, avec Mankind, on s'en rappelle, avec la Mandible Claw qui était son finishing move. Oui, c'est vrai. Avec son finishing move. Mr. Saki, qui était le nom de son bas. Ouais, je me rappelle de ça. Moi, j'écoutais ça tous les lundis soirs avec mes amis. C'est quoi ça, déjà 20 ans? Ah, ça fait quand même un bon bout. J'étais au secondaire à l'époque. Ouais, je suis rendu. Okay. Donc voilà, il sera présent. Oui, effectivement, parce qu'à l'époque, il avait écrit un livre sur la lutte. Mais sur d'autres choses, je pense qu'il est auteur aussi d'autres genres de livres, pas juste genre de bio ou de parler de l'ancienne industrie dans laquelle il a œuvré. Mais non, moi j'étais vraiment content de voir qu'il m'a invité. Puis je parlais avec Cliff, qui est le responsable de la programmation. D'ailleurs, peut-être suite après mon intervention aussi, on pourra vous passer le petit 3 minutes que j'ai fait avec lui tantôt, vraiment rapide, pour parler de l'événement. Ben ça qu'il me disait, puis il a tout à fait raison, la lutte américaine, là, la vraie, là. Ouais, c'est ça. La lutte américaine qu'ils ont appelée dans les années 90, c'est du sports entertainment, carrément, là. C'est des athlètes, les gars sont en forme parce que ça demande beaucoup de capacité pour faire le genre de show qu'ils font, mais c'est carrément, et tout à fait vrai, là, c'est le même principe que le comic book, c'est très machinéen dans le sens où on a les bons, les méchants, des personnages plus grands que nature, et aussi avec des caractéristiques justement, avec des bodies comme les super-héros, là. Difficile à rendre des fois à l'écran au cinéma, là, parce que on se rappelle de Magneto dans certaines éditions d'X-Men, puis tu vois Ian McKellen, tu fais il manque de quoi. Mais c'est effectivement, on est en plein là-dedans, donc ça justifie tout à fait la présence de Luther au Comic-Con. Donc il sera là, monsieur Mick Foley, excusez-moi. Et il va avoir aussi, pour les amateurs, bien évidemment, on parlait de Star Wars avec Jeremy Bullock tantôt, mais il va avoir aussi Peter Mayhew. Et ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est un grand, grand monsieur à tous les niveaux, autant au niveau du physique, parce qu'il joue Chewbacca dans la plupart... tu l'as presque. Et il joue Chewbacca et d'après ce qu'on nous dit, il va arriver au mois d'octobre, tout de suite après avoir filmé. C'est parti dans la prochaine trilogie de Star Wars. Il se libère pour venir nous voir à Québec. On est bien contents qu'il puisse le faire. Que tu viens de dire après avoir filmé, c'est parti. L'avoir fait lui-même, bien évidemment, parce que c'est un pro. Très flexible. Mais non, là, vous savez qu'est-ce que je voulais dire. Aussi, dans les autres invités, il va y avoir M. Lloyd Kaufman, bien reconnu pour Toxic le Ravageur, et qui est devenu une icône au niveau du cinéma comme réalisateur, qui est devenu, en fait, une référence pour bien des gens. Entre autres, tout de suite, on pense à Peter Jackson puis à Sam Raimi, qui ont œuvré aussi dans les films... horreur, bizarre, mais ô combien divertissant. On peut parler de début modeste. Non, c'est ça, mais... Il y a un des films qui a été noté comme réalisation notoire sur le site, là, c'est Poultrygeist Night of the Chicken Dead. Ah, ben c'est ça. On est vraiment dans les films les plus divertissants, on va dire ça comme ça. Même pas dans les séries B, là, tu sais. C'est... Ah non, c'est autre chose. On est ailleurs. Dans les autres invités, connus au Québec, on a Anne Robillard de la série Chevalier d'Émeraude et Ange qui va venir aussi pour les versions BD de ces œuvres-là. Il y a M. Benoît Godbout aussi pour l'Académie des chasseurs de primes qui sera présent. M. Dale Eaglesham qui est là aussi, qui est un auteur de comic book qui est récipiendaire du prix Shuster. Sinon, rapidement, Marc-Claude Bourbonnais, connu dans le coin, justement. Pour ses têtes de bébé. Ben aussi. Et aussi parce qu'elle est cosplayeuse maintenant. D'ailleurs, j'ai appris, Andrew, qu'il y a un terme français. Costumadière. Je trippe pas. Moi, étant un gars qui a fait littérature, qui aime bien la langue française, je trippe moins un peu sur ce terme-là. Peut-être qu'on me l'explique. Peut-être que je fais « Ah oui, bonne idée. » Téléversion des images de costumadière. Voilà. Donc, je sais pas, mais bref, elle sera là aussi avec une autre cosplayeuse. Moi, je vais continuer à utiliser le terme cosplayeuse. Annie Mia aussi qui a été confirmée. Sinon, dernière invitée rapidement, Noelle Hannibal de Star Trek First Contact aussi qui sera présente. Et là, j'ai posé la question tantôt, vous le verrez avec Cliff, s'il y a d'autres annonces qui restent à faire. On verra ce qu'il va nous dire. Sinon, rapidement, ce qu'on a appris... Le Warp Zone 7, qui va être... qui est évidemment organisé par nos amis de La Planque, qui va se tenir dans le cadre du Comic-Con cette année pour la première édition de Comic-Con. Ben, le Warp Zone 7 sera là. Donc, évidemment, la formule qu'on connaît bien. Toute la journée, on a organisé pour la famille et tout. Puis là, le soir, Jessica, notre amie de La Planque, là, qui est dans l'organisation, m'a dit que... pour avoir un genre de gros party le soir. Moi, je trouve ça vraiment intéressant d'entendre ça. De toute façon, on avait vu Warp Zone 6, moi et Andrew, une ambiance vraiment phénoménale. Vraiment... une ambiance de ouf. Ah, on va dire ça comme ça. Bon, on voulait parler français tantôt. Mm-hmm. Vraiment une belle ambiance. Que j'ai hâte de voir ce qui va en ressortir au Comic-Con, mais j'ai beaucoup... Moi, quand ils vont faire leurs affiches puis ils vont mettre le numéro, là, je veux qu'ils utilisent le set de Megaman. Ah, ben tu pourras envoyer un message à Jessica. C'est tant qu'à plugger des chiffres de jeu, là. Ben pourquoi pas. Sinon, évidemment, là, pour Comic-Con, les principales activités, pour ceux qui se demandent encore, ben c'est des sessions photos, c'est la possibilité d'avoir des signatures également avec vos invités préférés, les gens qui seront là. Des conférences avec eux aussi, d'habitude. On a dit que c'est des conférences qui durent environ 45 minutes, une heure, où, évidemment, les fans, c'est toujours beaucoup axé sur les fans, hein, Comic-Con, évidemment, là, parce qu'on est là pour rencontrer les vedettes et les artistes de nos séries et comic book préférés. C'est parce que sans les fans, ils seraient pas vedettes. Ben c'est ça. Donc, on veut les rencontrer, puis on les laisse poser des questions lors des conférences. Bien évidemment, aussi, la salle marchande, qui est le principal acteur pour beaucoup de gens, pour les collectionneurs. On peut retrouver des pièces uniques, autant au niveau du comic book, évidemment, plein d'autres choses de collection. Ça vaut vraiment la peine. D'ailleurs, moi, c'était à Comic-Con Montréal 2011 que j'avais réussi à trouver mon masque de luchador, de Tiger Mask, qui est une... on parlait de lutte tantôt. Lui, c'est une effigie de la lutte au Japon. D'ailleurs, il y a eu 2 ou 3 séries animées sur ce vrai lutteur-là. Donc, j'avais réussi à trouver ça là-bas. J'étais vraiment content. Sinon, autre chose, la Marche Zombie de Québec, on la connaît. Mm-hmm. Ça fait, je pense, 3 ans qu'ils la font. Et là, cette année, la Marche Zombie de Québec va se terminer le samedi à Comic-Con Québec, au centre des congrès. Donc, pour les intéressés, sachez que vous allez débarquer sur le plancher d'exposition en mode zombie, bien évidemment. Sinon, évidemment, le cosplay. Puis là, dans les partenaires principaux, il va y avoir, c'est Téléthon de la nuit, en fait, qui sont partenaires de la gang de Comic-Con Québec. Donc, ils ont annoncé aussi la programmation qui s'en venait au niveau de Téléthon. Donc, évidemment, comme vous pouvez le voir... certains penseront que, comme le dit le titre, Comic-Con, c'est vraiment un truc basé vraiment sur le comic book. Il faut se détromper, c'est beaucoup plus généraliste que ça. On touche vraiment, ben, vous l'avez vu avec le genre d'invités qu'ils ont, on touche vraiment à toutes les facettes des univers geeks. Et aussi, je voulais en parler aussi parce que j'ai rencontré Francis Blais, la gang du festival Vitesse Lumière, qui est... cinéma d'horreur là, qui va être présenté au Musée de la civilisation les 11, 12, 13 et 14 septembre prochains. Super fun, cette gang-là. On les avait vus, entre autres, à Geekfest. Puis, évidemment, ils présentent un cinéma vraiment intéressant. Et là, j'en ai parlé avec eux autres, puis ils sont partenaires, évidemment, de la gang de Comic-Con, parce qu'ils vont avoir des projections spéciales lors de Comic-Con de la gang des Vitesse Lumière. Et puis je voulais aussi parler du festival rapidement en même temps parce que c'est une gang vraiment dynamique, vraiment le fun, qui présente des trucs différents. Et dans les trucs que je voulais vraiment... Tu sais, il y a une sélection officielle le 12 et 13 septembre qui vont être présentés au Musée de la civilisation. Mais le 14, au Studio P, donc juste dans le coin de l'Impérial, là, sur Saint-Joseph, Studio P, juste au-dessus, en fait, de Librairie Pantoute. Non, de l'Intermarché, excusez-moi, sur Saint-Joseph. Bien, vous allez avoir, évidemment, du court-métrage, un truc qui s'appelle Laboratoire VL, qui est un film qui va avoir été tourné 48 heures avant en continu. Ça va vraiment. J'ai hâte de voir comment ça va être monté, le genre de film que ça va donner. Et aussi, ça, je trouve ça vraiment malade, un programme de 3 cours, 3 courts-métrages d'élèves de l'école optionnelle Yves Prévost et des Loutres. C'est des élèves du primaire qui font 3 courts-métrages d'horreur qui vont être projetés. Moi, moi, je suis vraiment, mais vraiment curieux de voir ça. Donc, la gang des Vitesse Lumière sont avec la gang de Comic-Con Québec pour des présentations spéciales, volets courts-métrages québécois et internationaux lors de Comic-Con. Donc, ça vaut la peine de se déplacer autant à Vitesse Lumière qu'à Comic-Con pour pouvoir admirer ces œuvres-là. Puis, est-ce que tu sais si un des deux événements va diffuser The Angry Video Game Nerd The Movie? Non. Je sais qu'il va avoir une représentation à Montréal. Ben, dans le cadre de Fantasia, effectivement. Il y a bien du monde qui m'en ont parlé. Mais là, pour le moment, pour Québec, il n'y a rien. Il serait bon que ça vienne à Québec. Ouais, je pense qu'on va en parler à Francis. M'envoyer un petit message pour y en parler. Donc, c'est à voir, bien évidemment, pour la gang des Vitesse Lumière à Comic-Con également. Écoutez... c'est pas mal ça qu'on a appris. Moi, je suis content. J'ai hâte de voir les gens. Parce que là, on a vu justement la gang de la planque avec le Warzone qui vont être là, la gang de Vitesse Lumière. J'ai hâte de voir aussi les autres personnes de Québec qui vont participer. Parce que c'est sûr qu'il reste des choses à annoncer. Il reste 80 jours à peu près. Je suis précis, hein, parce qu'ils ont un timer sur leur site. Je l'ai vu tantôt. Un décompte pour savoir dans combien de temps. 80 jours, 31 minutes. Et voilà. Donc, il reste 80 jours, 31 minutes avant l'événement. Et donc, il y a encore, selon moi, des annonces à arriver. J'ai hâte de voir, parce que c'est sûr que là, il va y avoir l'Imagineur qui va être là, parce qu'ils sont partenaires avec Comic-Con, mais j'ai hâte de voir les autres marchands qui vont être sur place. Pas juste les marchands, mais j'ai hâte de voir s'il y a d'autres partenaires vraiment de la ville, de la région, tu sais, Lévis, partout dans la région qui vont se présenter, qui vont être là comme Comic-Con Québec. J'ai vraiment hâte de voir ce qui reste à annoncer au niveau, autant peut-être des invités locaux aussi dans le coin, parce qu'on sait qu'il y a vraiment des bons BDistes justement au Québec. J'ai hâte de voir qui est-ce qui va être présent. Dis-moi, Michael, est-ce que Puissance Maximale sera présent au Comic-Con de Québec? Qu'est-ce que t'en penses? C'est sûr, M. Castegan. Nous y serons, d'une manière ou d'une autre, nous y serons. Normalement, on devra... là, on parle technique, là, on en parle parce que les gens ne savent pas toujours comment ça fonctionne, mais il faut faire une demande de passe média à l'événement. C'est pas encore ouvert, donc c'est sûr. Mais en tout cas, on m'a dit lors de la conférence qu'on allait nous reparler pour ce qui s'en vient pour la suite. Donc, c'est sûr que nous autres, on va être là. Puis bien évidemment, on va s'arranger pour être sûrement dans le coin du Warp Zone, justement, pour... Ben, parce que c'est pas mal notre secteur, hein? Ben, c'est ça, notre secteur d'activité. Ben, on va se promener, bien évidemment. Puis en même temps, vous aurez la chance de nous rencontrer sur place. On va se promener. Vous allez pouvoir nous parler. Mais amenez-moi pas de piment habanero. Non, non, c'est ça. Parce que M. Castegan, après la pause, boira un 4 litres de Tabasco. Non, c'est une joke. C'est une blague. Donc, oui, effectivement, nous serons présents lors de Comic-Con Québec pour couvrir l'événement, pour rencontrer les gens aussi, parce que tant qu'à être là, on va vous jaser. On est bien sociable comme ça. On vous aime bien. Donc, c'est sûr et certain qu'on va être là. Donc, pour le reste, c'est à suivre, mesdames et messieurs. On a fait pas mal le tour de l'événement, de ce qui a été annoncé aujourd'hui. On va vous envoyer tout de suite, avant de partir pour la pause musicale, un petit 3 minutes, une petite entrevue rapide que j'ai faite avec Cliff, qui est le responsable programmation de l'événement. J'ai réalisé ça tantôt lors de la conférence de presse. On vous envoie ça, puis tout de suite après, ben là, on vous parlait bien évidemment de Metal, de Heavy Montreal. Ben, on va l'entendre Slayer, un des groupes que j'aime beaucoup, et une de mes chansons préférées qui s'appelle Disciple, dans vos oreilles à puissance maximale sur les ondes de CGMDFM 96.9 Lévis. Mais tout de suite avant, on va entendre M. Cliff de Comic-Con Québec. Alors bonjour tout le monde, Mickaël Michaud de Puissance Maximale qui est à la conférence de presse de Comic-Con Québec. Et ça vient tout juste de se terminer et là je suis avec Cliff, le responsable de la programmation. Salut Cliff, ça va bien? Oui, ça va très bien. Toi Mickaël? Numéro 1, et là on vient d'assister à tout ça, les nouvelles annonces. Entre autres, là, on savait qu'il y avait à avoir Lou Ferrigno qui avait été annoncé, puis M. Jeremy Bullock qui va venir aussi. Mais là il y a eu d'autres annonces, pourrais-tu nous résumer ça pour les auditeurs? Oui, absolument. Alors pour continuer sur le côté Star Wars, pour ajouter à Boba Fett, on a Peter Mayhew qui fait le rôle de Chewbacca dans presque tous les films de Star Wars, c'est un des plus communs, qui va être juste après son tournage pour le nouveau film. Aussi du côté cosplay, du côté costumant, on a Marie-Claude Bourbonnais qui est de Québec, mais quand même elle va faire un tour au Comic-Con de Québec. Côté film d'horreur, on a Lloyd Kaufman qui est connu pour le film Le Ravageur, Toxic Avenger et plusieurs autres. Une grosse influence pour plusieurs personnes, incluant Steven Spielberg et d'autres. Aussi, du côté de la lutte, on a Mick Foley qui est un gars très très drôle et super sympathique. Je l'ai connu l'année passée et il va faire un tour pour une journée le samedi. Et bien sûr, on a annoncé la grosse nouvelle de Steven Yeun de The Walking Dead qui joue Glenn Rhee, qui c'est celui-là qui sait comment voler les voitures pour aller chercher des affaires d'extra dans la série. Et là, on a tous ces invités-là qui arrivent. Et là, moi, une question qui m'est venue à l'esprit. On connaît Comic-Con Montréal. On est allé, nous, à l'émission, d'ailleurs. Comic-Con Ottawa. Qu'est-ce qui fait que, là, la gang de Comic-Con a décidé de s'en venir à Québec? Ça fait une couple d'années qu'on parle de la ville de Québec, mais on n'était jamais sûr parce que, c'est, dans le fond, Comic-Con comme tel, la culture populaire, c'est plus côté américain. Alors, ça tombe dans le côté anglophone, puis on n'était pas sûr si ça allait marcher comme tel. Mais là, on a vu que beaucoup de gens venaient de la ville de Québec et dans les régions. Puis on a dit, bien, peut-être qu'il y a un intérêt. Puis on a commencé à demander encore plus de monde. Puis on a dit, bon, bien, on va voir si ça va marcher. Et à date, on a vu la réponse que les gens sont très contents et très anxieux de que ça commence. Mais là, ça s'en vient. Il reste encore quelques semaines, quelques mois même. C'est 25 et 26 octobre au Centre des congrès à Québec. Et là, entre-temps, là, il y a eu d'autres nouveautés aussi qui ont été annoncées. Entre autres, la marche de zombies de Québec qui va se terminer à Comic-Con. Des panels, des expositions, plein de trucs qui s'en viennent. On va en parler durant l'émission. Mais aussi, je me demandais, là, d'ici la date là, qui s'en vient, le 25-26, est-ce qu'il va y avoir d'autres annonces? J'imagine qu'il y a d'autres choses en préparation. C'est toujours possible. Je peux pas promettre s'il y avait quelque chose, mais on on travaille toujours sur quelque chose pour voir si on peut ajouter plus. On va voir c'est quoi la réaction des gens avec ce qu'on a annoncé présentement, mais c'est toujours une possibilité d'ajouter des gens. Surtout, la place que je peux dire que c'est garanti qu'on va ajouter des gens, c'est le côté BD et comic books, qu'on va ajouter plus d'invités, parce que beaucoup de BDistes et les gens de comic books ne sont pas toujours capables de nous dire qu'ils sont disponibles parce qu'ils travaillent sur leur BD, puis ça prend 10 jours dans une semaine pour travailler dessus. Excellent. Donc, ce sera surveillé sur le Facebook de Comic-Con Québec et aussi Puissance Maximale qui va relayer l'information tout au long. Et bien évidemment, nous serons présents lors de l'événement. Merci beaucoup, Cliff, de ces informations-là. Puis on a bien hâte de te revoir à Québec pour le Comic-Con. Merci. Moi aussi, j'ai hâte. Ici Luduc et vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale, venez entendre notre ami Luduc qui s'est fait un malin plaisir de manger un piment habanero avec Andrew la semaine passée. Ça s'est super bien terminé. Non, il y avait l'air du fun au bout de Twitter. Alors, mesdames et messieurs, c'était très divertissant. Il est temps de goûter à cette deuxième bière. Et là, pendant qu'Éric va en parler, moi je vais prendre une photo pour vous mettre ça sur les internets parce que vous êtes tellement visuels. Puis nous autres à la radio, c'est pas yard. Fait que là, on va faire une petite photo. Mais non, mais décris-la. Ben, en fait, c'est Eric qui va s'occuper de ça pendant que je t'occupais avec la bouteille et le verre. Mais on va parler de la l'encharnue de la brasserie Saint-Arnould. Et voilà, comme on le disait un peu plus tôt, on parle d'une grosse brune, une bonne grosse brune forte. Là. Non, une brune avec des rondeurs et une moustache. Ouais. En fait, on parle d'une brune. Là, et, pour... et des favoris. On parle, ouais. On parle de force, là, c'est du 7.1 quand même. Là. On s'assinera pas pour un point. Pis c'est brun, hein? C'est brun comme la bouteille dans laquelle elle vient. Là. Ouais, c'est ça. On va pas à travers, hein? Non, non. C'est... Il y en a qui font le café moins fort que ça. Ouais, moi, j'avoue que j'y ai goûté... dans tout ce que tu m'as versé en bande et j'ai été, ma foi, surpris. À frappe. À frappe, hein? Je suis pas tout seul. Donc, je sais pas si tu pourrais nous faire un petit... J'allais faire un comme un... Non. Alors, retiens-toi, Eric, là. Ça... Ouais, effectivement. Ah, toi aussi, tu... Même Eric fasse un... Mais c'est drôle parce que moi, c'est vraiment... Il y a une belle rondeur, là, puis comme un petit sucré de caramel, là. Qui vient comme, tu sais... Ouais, c'est à la fin, par exemple. À la fin. Parce que le début... Puis après ça, t'as comme la grosse amertume, puis la brute là, qui vient te chercher, c'est comme... C'est bizarre. C'est bizarre. Tu bois pas ça au soleil quand il fait 32, t'sais. Non, pas du tout. Non. C'est pas une bière, disons, qui est très estivale. Tu vois, c'est quand même particulier parce qu'ils disent... La douceur angélique de ses maltes contraste avec la chaleur diabolique de sa finale. C'est une excellente description de votre produit, les amis. C'est exactement ça. Tabarnak. Mais non. Il pouvait pas être plus exact. Mais... Non, c'est ça. Mais c'est bon, par exemple. J'haïs pas ça. Là. Une coupe de gorgée, là, ça passe mieux. Oui, bien évidemment. Là, on peut pas se faire vraiment une idée d'une bière dès la première gorgée. Il faut lui goûter et lui regoûter. Contrairement à l'autre, par exemple, c'est comme absence de mousse presque complète. Ouais, non, c'est ça. C'est pas le même niveau du tout. De façon, tout. Quand on le regarde, on voit pas vraiment non plus de ben pétillant. C'est assez... Non, mais on le goûte, par exemple. On le goûte, mais on le voit pas. Oh, ouais. Une bulle fine. C'est le fun quand même. Là. C'est presque sirupeux tellement c'est... Ben, on voit un petit peu de flottaison restant. Ça a du corps, de... Ben, justement, les dépôts, on les a aussi dans celle-là. Non, ben, sirupeux, tu dis. Ouais, on va dire que c'est une bière épaisse. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est une brune... C'est une brune épaisse avec des rondeurs, une moustache et des favoris. Ouais. C'est... Non, ça fait penser à une prof d'anglais, ça. Ah, je sais pas. Je n'aimerais pas, là, mais... On n'a pas eu le même prof. Mais... particulier... Je dirais que je suis pas... moi, je pense que je boirais pas... J'en prendrais pas une bouteille complète. Moi. On parle, un verre, c'est assez. On parle de quel format, là? On parle d'une 7,50 encore. Encore? Puis celle-là est quand même plus dispendieuse. Hein, t'es à 11,99. Ouais. Je sais pas si... Ah, à deux. Ben, c'est ça. Tu une bouteille à deux pour goûter comme ça. Moi, il n'y aurait pas de problème avec ça. Ça se boit bien, là. C'est pas mauvais. Ouais, qu'est-ce qu'on fait là? Mm-hmm. C'est pas un mauvais produit, mais c'est particulier. Disons que les amateurs de... Comment je pourrais dire ça? De... Salut. Parce qu'Éric, on avait comme un pied de micro qui nous a permis de nous voir. Tu sais, les Bud Light Margarita, là. Ouais. Les amateurs de ça vont faire peut-être le saut, mais qui se lancent dans l'ange cornu. Ça se pourrait qu'ils tombent même de mort. Ouais, ça se pourrait parce que là, au niveau de l'alcool, puis au niveau du goût, c'est quelque chose. Ouais, c'est intense. Mais en même temps, j'imagine très bien ça avec un bon dessert. Tu sais, je donnerais pas ça à Marcus. Non, Marcus. Marcus, on l'a vu l'autre fois. Là, elle est tough, là, c'est tout. Ouais, c'est ça. Là, Alexandre doit nous écouter, il dit oh, ils vont juste se mettre sur le cas des deux snooze quand Eric est là. Parler... Non, on n'a pas parlé d'Alex, on a parlé d'un snooze. Attends, il n'est plus supposé être là, lui. Les gars, vous parlerez avec Eric. Ouais. Mais non, en mon nom personnel, je m'excuse. Je tiens à m'excuser auprès d'Alex. Là. Puis des deux snooze en marde. Et voilà, c'est dit. Mais moi j'aime bien les brunes. Les ambrées, les brunes, c'est pas mal ça que je préfère depuis un bon bout. Mais celle-là, je répète, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est... Je pense même pas qu'une pinte au complet, je pourrais en prendre une. C'est tough. Honnêtement, c'est tough. Je pensais pas que t'allais me dire ça, toi, là, de ton côté. Ouais, mais je sais pas. Elle a un petit quelque chose qui... Elle est lourde. Moi, je la trouve très, très lourde. Ben, c'est ça. C'est très, très, très maltais. Là. Quand je dis là, que tu sens la rondeur là, qui vient te chercher dans le fond de la bouche, dans le fond de la gorge, là, c'est ça, là, c'est le malt. Là. C'est ça en est sucré, là. Puis quand on la sent, d'ailleurs, là, moi, je trouve que ça sent beaucoup, beaucoup, beaucoup le caramel, là. T'as un gros nid de caramel là-dedans, là. Oh, oui, tout à fait. Oh, oui, mais on le sent... On le sent venir aussi. Quand on l'a, ouais, dans, on a dans la bouche, ouais, il est là, mais il part vite, par exemple. Fait que, tu sais, on parlait d'une grosse brune, tu sais, moustachue, épaisse. Ah. Si tu sais pas la, si tu sais pas la dompter puis quoi faire avec, ça se pourrait même que tu ça se pourrait même que t'en revires d'abord puis que ça soit et tout, que tu fasses buttfucker, tu sais. Ça, ça se peut que ça soit ta dernière, en fait. C'est ça, là. Parce que non, on va le dire, c'est pas pour n'importe qui. Non, faut vraiment être amateur. Je suis étonné, là. Je suis vraiment étonné. Je pensais triper là-dessus puis je suis comme Pas autant que la Ghost Town, par exemple. La fameuse bière à l'absinthe et à... C'était dégueulasse. Ah, ça, c'était pas bon. Les autres produits de ces brasseurs-là sont très bons. Ils en font des très bons, mais celle-là... là. Une noire à l'absinthe. Ouais, avec un goût très anisé. Je pense que j'ai réussi à finir, mais ça a été de peine et de misère. C'est mieux que moi. Ouais, parce que ça a été difficile. Mais non, je suis étonné, mais... J'ai comme des frissons, esti. Plus de misère avec celle-là. Donc, écoutez, on parle présentement de l'Ange Cornu, de la gang de Saint-Arnould. Écoutez, les gars, je vais vous poser la question, mais je pense que ça va être rapide. On joue-tu, premièrement, avec cette bière-là? On est-tu trop occupés à déceler et à s'endurer pendant qu'on la boit ou on a le temps de jouer? Ben, honnêtement, moi, je ne jouerais pas en prenant ça parce que le temps que tu joues, elle réchauffe. Puis tu peux pas boire ça trop chaud. Chaude, ça doit être épouvantable. Mais pourtant, hein? Et pourtant, on nous recommande entre 8 et 10 degrés sur la bouteille. 10 degrés, là, c'est comme, ça commence à être tiède. Ouais, là, moi, je commence à... Je vais te prendre, je pense, ma cinquième gorgée, là, puis je commence à... Ouais, c'est pas... Pogne le cut-off? Moi, je dirais, pas mal la seule chose que je verrais à quoi tu peux jouer, c'est que t'es dans une soirée sociale, tu partages ta bière-là avec des chums, puis tu joues aux cartes. Ouais. Mais t'es même pas un jeu comme Munchkin, là. Ah non, au trou de cul. Tu joues au trou de cul, à bataille, peu importe. Ça va vite, on change, puis à un moment donné, tu fais t'as qui ce bière-là? Faut être à moins, mais c'est pas grave. Bref, on n'est pas emballé. Je pense qu'on va le dire, là, clairement, on n'est pas emballé par le produit. C'est on... dommage, parce que j'espérais vraiment trouver une nouvelle bonne brune. Ouais. Là, mais on sait que les Saint-Arnould fait des bons produits, on le sait, mais là, je pense qu'on n'est pas tombé sur notre préféré, loin de là. Écoutez, messieurs. Maintenant, on sait quoi faire, Eric. Faut que tu trouves une brune dans la brasserie d'Anna. Ouais. Ah, ben c'est ça, finalement. Je sais pas s'ils ont quelque chose. Ça va être à surveiller. On va te laisser sur ce... Avez-vous vérifié, d'ailleurs, pendant les différentes pauses, s'ils étaient présents au Festibière la semaine prochaine? Ben je vais aller vérifier ça pendant la prochaine pause, monsieur Eric. Mais avant tout, on va parler... On va donner nos notes rapidement, je crois. Un 6 pour, monsieur Eric. 5.5. Moi, ça va être un 5 de mon côté, messieurs. Vous êtes sévère. Moi, elle passe, mais tu sais, elle passe sa fesse, là. Ben... Ben, moi, c'est à cause que je m'écœure du goût. Je bois, puis je suis déjà tanné de la boire. Ben non, moi... Je vais en boire, mais je suis tanné déjà. Par principe, ça reste de la bière. C'est ça. À part la Ghost Town. Il n'y a pas de principe qui rentre là-dedans. Mais non, un 5 de mon côté. Écoutez, on va dire mitigé, pour pas dire qu'on n'a pas vraiment apprécié le produit. Désolé, mais si vous êtes amateur d'expérience... au niveau de la brune, allez-y. Écoutez, c'est quand même à essayer. Il y a des gens qui sont beaucoup plus aventureux que nous, même si on se laisse aller pas mal dans pas mal de trucs au niveau de la bière. Si ça vous hante, allez-vous chercher ça. On vous rappelle, encore une fois, que cette chronique vous est présentée par la gang du dépanneur tout près au 97 rue Wolf à Lévis. Ils ont d'autres produits de Saint-Arnould et d'autres excellents brasseurs également. Vous invite à vous y rendre pour vos achats de bière. Donc, c'était l'Ange Cornu de Saint-Arnould et on est un peu déçus. Voilà, c'est dit. Monsieur Castegan, nous allons passer à peut-être notre dernière pause musicale. Et là, je suis allé un peu dans les vieux classiques du rock québécois. Mais en fait, pour certains, c'est leur secondaire. Moi, j'étais au cégep quand j'avais entendu ça. Noir Silence. Non. Parler des vulgaires machins et la rue des Ragons que j'avais joué. Moi, dans le temps, j'avais un petit band à la Pocatière d'où je viens et on avait joué ce tune-là. Puis c'est une de mes amies à l'époque qui m'avait parlé de ça. Puis je faisais mon choix musical hier pour l'émission d'aujourd'hui. Puis je suis tombé là-dessus. Je fais on va envoyer ça dans les oreilles du monde. C'est une petite toune sympathique, vous allez voir, ça reste dans la tête. On vous envoie ça, la rue des Ragons, des vulgaires machins, dans vos oreilles à puissance maximale, sur les ondes de CJMD FM 96.9, Lévis. Sur la rue des Ragons, Il y a un trottoir sur chaque bord de la rue. C'est prévu. C'est pour les piétons, pour que tu puisses te rendre jusqu'à ma maison. Maximal vous présente les nouvelles ludiques. Et oui, de retour à Puissance Maximale, mesdames et messieurs, vous avez entendu la rue des racontes et vulgaire machin, et il est temps d'aller en nouvelles ludiques avec monsieur Castegan et moi-même, et monsieur la jeunesse qui pourra aussi commenter. Mais on va commencer avec le saviez-vous que? Oui, ben saviez-vous que Rare ont fait des trolls de eux-mêmes lors de l'élaboration de Conquer Bad Fur Day. Ah ouais? Oui, ben j'aime bien, il n'y a pas beaucoup de facts qui sortent sur ce jeu-là, fait que j'aime bien les prendre quand ils passent. En fait, dans Conquer Bad Fur Day, il y a une montagne de caca dans le jeu. OK. Et dans la montagne de caca, il y a une place où il y a une grille d'égout. OK. Et il y a un grillage et on voit à l'autre côté un morceau de chocolat pour pouvoir aller se reprendre de la vie. Mais ce fameux morceau de chocolat, on ne peut pas aller le chercher. C'est impossible d'aller le chercher. OK. Et le directeur, Chris Saver, a dit, bon, on a mis ce morceau de chocolat-là juste parce qu'on savait que des joueurs allaient perdre leur temps pour aller le chercher. Ah, c'est chiant. J'adore ça. Ah, c'est bon. Ah, c'est le fun, au moins, quand c'est voulu, parce que des fois, ils vont avoir des trucs. Va chercher ça. Ouais, mais ça marche pas. Ou ça prend... Tu sais que c'est quasiment un glitch, là, pourquoi t'es capable de te rendre là-bas, mais au moins ça, c'est voulu, c'est correct. C'est ça, ils ont juste fait. On sait qu'il y a des joueurs qui vont perdre leur temps et se frustrer à aller essayer de le chercher. Non, c'est en plein ça. Et, ben, merci beaucoup, M. Castegan. Ça fait plaisir. Et là, on va parler rapidement, parce que l'émission tire à sa fin. On va parler de nouvelles rapides. Donc, on va y aller avec Assassin's Creed Rogue. Donc, on a entendu parler de ça aujourd'hui. Donc, il y a un trailer qui a fuité. À propos de ce jeu-là. Qui a fuité. Ouais, fuité. Ça, fuité. C'est, ouais, dans le fond, c'est ça. Ils l'ont mis sur Internet. La fuite. Il y a eu une flaque d'eau. Voilà. Donc, fuité. Voilà. Donc, c'est les premiers détails qu'on a pu voir sur la toile aujourd'hui. Qui a un titre prévu uniquement sur PlayStation 3 et Xbox 360, doit-on dire. Qui ont été dévoilés sur le site même de Game Informer et qui permettent d'apprendre le nom de l'assassin. En fait, ce ne sera pas un assassin. Ça va être un Templier que vous allez jouer. Son nom, c'est Shay Patrick Cormac, un ex-assassin qui a rejoint finalement la gang des Templiers et qui a été trahi par ses frères d'armes. Cormac va s'occuper maintenant de les traquer et les tuer un par un. Donc, ça peut être intéressant. Mais bon, on a parlé tantôt hors d'onde d'Eric, tu as fait le commentaire, tu sais, tant qu'à étirer la sauce. J'aurais tendance à être un peu d'accord avec toi là-dessus. Il y a bien du monde qui disent que même depuis les épisodes avec Ezio Auditore dans la, tu sais, le boot Assassin's Creed 2, on avait déjà étiré la sauce pas mal. Mais donc, on va profiter dans celui-là des tout le côté bataille navale qu'on retrouvait dans Black Flag. On va l'avoir aussi dans ce jeu-là. Ça va se dérouler sur les côtes de l'Atlantique Nord durant la guerre de 7 ans. Donc, il y a lieu de 1756 à 1763. C'est la période de... ben voilà, tu l'as dit. C'est entre le troisième puis le quatrième jeu, en fait. Et on apprend également que vous pourrez visiter les Appalaches ainsi qu'une version réinventée de New York pour naviguer entre les différentes locations, se battre en mer. Donc le personnage sera à la barre du Morrigan, un nouveau bateau que l'on peut apercevoir dans les screenshots en fait qui sont sortis sur Internet. Mais on pourra en profiter. On vous rappelle d'ailleurs que nos informations pour les nouvelles, on les prend majoritairement sur le site de jeuxvideo.com. Donc ce jeu-là est développé par Ubisoft Sophia avec l'aide des studios de Singapour, Montréal, Québec, Chengdu, Milan et Bucarest. Voilà, c'est prévu pour le 12 novembre prochain. C'est dit. Donc, c'est à surveiller pour les amateurs de cette série qui n'en finira peut-être jamais, qu'est Assassin's Creed. Ben, elle va continuer tant que des gens vont s'enthousiasmer pour la franchise. Ben, on a déjà quelqu'un sur notre page Facebook qui a écrit « Enfin, un autre Assassin's Creed pour PS3 ». Ben, on n'a pas cité ici Pierre Courtemanche. Mais c'est, je veux dire, c'est cool. Les jeux restent quand même cool, mais tu sais, je veux dire, quand on se lance là-dedans, faut pas penser à être étonné à chaque fois. Le gameplay est bon, classique, on le réinvente pas à chaque fois. Puis moi, je joue parce que c'est le fun, le gameplay est le fun pour le combat et tout. Mais mettons que j'y joue de moins en moins pour l'histoire. Monsieur Castegan, autre nouvelle? Oui, ben en fait, il y a eu un Nintendo Direct qui a été fait sur les internets par Nintendo cette semaine à propos du jeu que j'attends. T'es pas tout seul, hein? Y a pas mal de monde qui l'attend. Hyrule Warriors. Ouais. Pour mettre plus de détails et une date précise de sortie qui est le 26 septembre dans le cas de nous, nord-américains que nous sommes, et en même temps faire des annonces sur certaines mécaniques au niveau du jeu. Première grosse nouvelle que j'ai faite, bon, là on parle d'une bonne utilisation de la technologie de la Wii U. Dans Dynasty Warrior, qu'est-ce qui est le fun des fois, c'est de péter du méchant en coop. Parce que tout le monde sait, c'est des énormes armées puis tout ça. Mais quand on joue avec les consoles récentes, ça coupe l'écran en deux. Et on se retrouve avec la... Il faut jouer en coop à distance. C'est ça. Et le coop à distance, ben Tecmo Koei, malheureusement, c'est vraiment pas leur point fort. Fait que généralement, ça lag et c'est pas cool. Et quand on joue en local, ben ça finit qu'on voit pas grand-chose. Parce que votre écran se fait couper en deux. Fait que c'est pas le fun là-dessus. Mais dans le cas de la Wii U, ben un joueur va pouvoir avoir son écran sur le Wii U Gamepad. Et en plus, l'autre ça, Player 2 va jouer sur la TV. Donc vous avez bien compris, chacun va avoir leur écran séparé. Ça, c'est le fun. Et Nintendo ont juste spécifié par contre qu'il va y avoir une légère baisse de la qualité graphique pour faire en sorte que la manette soit capable d'assimiler le flux d'informations indépendant du jeu. Mais donc, belle utilisation du périphérique de Nintendo. Ça va être les premiers à l'utiliser ou dans ce genre-là? Il y a le Remote Play, là, mais t'es vraiment un split screen, un joue sur l'écran, l'autre sur la TV. Oui, je pense que c'est le premier jeu, effectivement. Ben, je pense avec un jeu de Mario, on pouvait jouer, on peut assister, des trucs du genre, mais c'est pas exactement la même chose. Ben, c'est que le joueur qui a la manette voit exactement la même chose que sur la TV. Là, on parle vraiment d'un écran complet différent que qu'est-ce qui est projeté à la TV. Dans Mario, tu pouvais jouer avec une Wiimote. Puis le deuxième player avec le pad pouvait te faire apparaître comme ça, des plateformes pour te permettre d'accéder à différentes places, des trucs comme ça. C'est ça, on n'est pas au même niveau de coop. Pas du tout. Ah, mais c'est excellent. Ça a été une des choses. Sinon, ils ont parlé du Adventure Mode, qui allait avoir des personnages spécifiques à ce mode-là. Ils n'ont pas donné plus de détails. Des armes spécifiques à ce mode-là aussi. Et on parle en fait de la carte de Zelda 1, où vous allez pouvoir déplacer Link case par case pour... évoluer dans le jeu, et chaque case va avoir un défi spécifique, dans le fond, qu'il faut faire, comme exemple tuer 300 ennemis dans un nombre X de temps. Okay. Ça peut nous donner des items, utiliser les items sur la map pour avancer dans le jeu et ainsi terminer le mode aventure. J'ai trouvé ça quand même très bien comme mode aventure. Sinon, bien sûr, ils ont annoncé plus de détails sur les personnages jouables, disant que les personnages jouables peuvent avoir différents sets d'objets, mais grosse annonce que beaucoup de monde ont fait comme « Oh yes! » C'était de pouvoir jouer Ganondorf, oui. Le méchant le plus connu de la franchise Zelda. Et en même temps, il y avait déjà eu d'autres méchants qui avaient été annoncés, dont Xanto, le méchant de Twilight Princess, et Jiraim, l'espèce de prince emo gay de Skyward Sword. Ben, c'est va être trois méchants que vous allez pouvoir jouer. Moi, j'ai vu passer qu'on pourrait jouer en Goron. Oui. Yes. Ça, je trouve ça. C'est le sage de Ocarina of Time. Yeah. Avec un gros, gros marteau. Yeah, excellent. J'aime ça, les gros marteaux, moi. Et c'est ça, dans le fond, on a eu Link, on a eu Zelda, on a eu la... je pense que c'est Oupa, la garde du corps de Zelda. Il y a la princesse Zora là, que de Ocarina of Time, Ruto. Il y a le Goron que tu parles. Tu as aussi Minna, qui est la princesse de Twilight, là, la genre de petite fille. Il va en avoir des personnages. Il y a Fae, qui est l'épée de Skyward Sword. Il y a la princesse des insectes de Twilight Swansex, je me rappelle plus du nom. Il va y avoir aussi un personnage propre qu'ils ont créé pour le jeu de Hyrule Warriors. Il y a Sheik. Et là, en passant, là... Pour ceux qui ne savaient pas... Ceux qui ne savaient pas, ça fait depuis Twilight Princess. Pas Twilight Princess, c'est-à-dire Ocarina of Time au 64, c'est encore plus vieux qu'on sait que Sheik, spoiler si vous ne le savez pas, mais il serait temps, c'est Zelda déguisé. OK? Fait arrêtez de faire un débat là-dessus. À savoir si c'est un gars ou une fille, tu sais. Parce que là, votre débat, il a été un point tel où il a fallu que le directeur marketing de Nintendo fasse un statement pour dire que c'était juste Zelda déguisé en homme. Et je vous spécifie qu'il a mis trois petits points en disant ça. À quel point ils sont découragés. Ouais. Fait que s'il vous plaît, tournez la page. Avec raison. Merci beaucoup, M. Castegan, pour cette nouvelle. Et une dernière, pour terminer l'émission, en fait, qui a rendu bien du monde content aujourd'hui. Resident Evil s'offrera, le Resident Evil original, le premier jeu, un remake next-gen et current-gen, donc de la génération courante de console qui a été annoncé. On nous dit que ça va être pour 2015, du premier épisode de la saga. Donc, début 2015, on nous dit ça va être. En tout cas, ils disent pas. Ça sera pas. Je pense que ça va être à partir du remake de la version GameCube qui était sortie à l'époque. Mais ça va être là, ça va être offert sur PC. Ça, je suis content. J'ai hâte de voir sur PC à quoi ça va ressembler. PS4, Xbox One, PlayStation 3 et Xbox 360 également. Mais seulement en édition dématérialisée. Donc, vous ne pourrez pas avoir ça avec un box ou un Collector Edition. On nous parle de graphisme retravaillé. Le son également pour aller dans le 5.1. Sur Survival Horror avec du 5.1, c'est un essentiel. Avec un bon casque d'écoute ou un très bon système de son. Contrôle old school ou alternatif. Format 4.3 ou 16.9 selon votre choix. Si vous voulez y aller, il y en a qui sont vraiment rétro à fond, c'est qu'ils veulent y aller avec la 4.3. Avec aussi un support 1080p sur PS4 et One. Je trouve ça plate qu'il ne l'ait pas sur PC. En tout cas, on sait pas. Là. Ouais, d'après moi, ça va de soi. Là. Ah ouais, moi aussi, on verra bien. Peut-être qu'ils ne l'ont pas précisé parce que ça, dans leur tête, c'est normal. On verra bien. Donc, on nous dit qu'ils veulent remettre au goût du jour leur titre. On attend donc de voir comment vont évoluer les choses. Et c'est fait. Ça a été annoncé. Moi, j'espère. On nous dit des contrôles old school ou alternatifs. Donc, je pense que Eric et moi, on parlait en don tantôt. Moi, j'espérais que si c'était un remake, que c'était seulement un remake visuel, au niveau de la, vraiment au niveau du son, ces affaires-là, pas qu'on allait retoucher au gameplay. Eric voulait que le personnage puisse tirer en marchant dans le premier opus, pourquoi pas. Peut-être que ce sera disponible avec la version alternative. Mais je ne me rappelle pas dans la version GameCube si on pouvait le faire, ça fait trop longtemps. Non. Bon, ben voilà, on a notre... Ça a été ajouté, je pense, à partir de Resident Evil 4. Après Nemesis. Je pense que 4, il l'avait pas. Je pense dans que c'est le 5. Mais c'est ça. Il me semble que le 4, ça a quand même pris pas mal de temps. Ça lui a pris du temps avant d'écrire le code. Marche, puis tu sais. Non, en fait, ça leur a pris du temps pour déboguer le code. Ah, c'est ça. C'est cool, ça leur tentait pas de sortir un Resident Evil 5 Ultra Arcade comme Championship Edition. Ouais, mais c'est comme Ubisoft qui est pas capable de faire des personnages filles parce que c'est différent, puis il faut faire des autres. Raison de merde. Mais bon, c'est dit, c'est envoyé. Resident Evil aura un remake next-gen et current-gen pour 2015 pour les amateurs de la série. Avant le générique de fin, Monsieur Michaud, oui. Est-ce qu'on a quelque chose à dire à propos des deux prochaines semaines? On n'a pas pris de décision là-dessus. Ben, on se demandait, parce que vous savez, moi, je suis de Québec, donc il faut que je me rende ici en bateau. Il y a des problèmes de bateau. Il y a des problèmes de bateau pour les prochains. En fait, il y a des problèmes de bateau, des problèmes de barrage de voies, des problèmes de barrage de rue. Mais non, il va y avoir des émissions, Monsieur Castel. Castellane pour les deux prochaines semaines, à moins qu'il y ait vraiment un bon majeur. Mais je vais poser la question, parce que ça restait que le vote tranchant, c'était le tien. Non, c'est ça, M. Castellane. S'il y avait annonce à faire, fallait le faire. On va faire l'émission pareil, M. Castellane, sans problème. On sera fidèle au poste. On vous l'assure que même s'il y a un festival du jazz, même s'il y a des feux l'Auto-Québec, même s'il y a des rénovations à la gare fluviale, puissance maximale aura lieu. Ouais, à moins que vraiment le bateau se rende pas, ça c'est une autre histoire, mais... Vous comprendrez que là, je viens de plugger les activités de Lévis. Non, c'est ça. C'est fait. C'est fait. Donc, non, il y aura émission, M. Castellane, jusqu'à la fin des temps. En tout cas, jusqu'à temps que Dieu nous le permette, s'il y a un Dieu, bien évidemment. Donc, non, il y aura émission, M. Castellane. Et sur ces bonnes nouvelles pour vous, chers auditeurs, c'est la fin de Puissance Maximale. Je tiens à remercier M. Diego Lamana, qui nous a parlé un peu plus tôt dans cette émission aussi, pour nous parler de Verdun et de la Première Guerre mondiale. Merci beaucoup à toi, Diego. Merci à Éric Lajeunesse, qui est venu nous parler bière. Et tu vas revenir à la fin du mois pour nous reparler bière. Ben, pour d'autres. Il va même venir la semaine prochaine. Maintenant que je suis déménagé, célibataire, j'ai le temps. Voilà, c'est fait. Donc, merci beaucoup, Éric, d'être passé. Merci beaucoup aux gens de Comic-Con Québec qui nous ont accueillis pour la conférence de presse aujourd'hui. On a bien hâte d'être présents. Et merci beaucoup à M. Castellane à la console. Ça me fait plaisir. Et mon nom est Mickaël Michaud, votre animateur. Toujours content d'être là pour vous parler jeu. Je vous annonce aussi les gagnants du concours de la semaine passée pour pour la gagnante. En fait, ce sera une gagnante pour le concours de Pink Vivi. C'est Mme Pascale Dominique qui se mérite le beau prix. Et pour les billets de la revanche, M. Francis Baudry. Félicitations à vous deux. On vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com, pour écouter nos anciennes émissions podcast en streaming pour le moment, mais ça va revenir un jour pour le download. Allez aussi sur la page Facebook, il nous manque que quelques abonnés pour arriver aux 500 j'aime. Donc, il nous en manque 15. Ça a monté de 5 depuis le début de l'émission. C'est excellent. Que 15 personnes pour atteindre les 500 likes. Et grâce à ça, vous pourrez participer à nos concours. Là, mettez un peu du vote. Là, je suis tanné de créer des faux comptes. Et partagez, bien évidemment, la page de Puissance Maximale pour pouvoir participer aux différents concours et avoir de l'information sur tout ce qui se fait de ludique sur la planète et aussi sur l'émission, bien entendu. Et en terminant, comme à chaque semaine, toute l'équipe vous souhaite une excellente semaine de jeu. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D! Warriors who terrify. It's D&D! Virgins till the day we One, two, three, four, yeah!